sur la Joie édition week-end pour la semaine du 18 décembre 2017. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin, on vous parvient des studios de Cifou à Trois-Rivières. Cette semaine, c'était notre dernière semaine avant le congé hivernal et on en a profité pour faire la fête avec nos petits chroniqueurs d'amour. Mais justement, Marc Lachance nous a donné quelques conseils pour survivre aux parties des fêtes dans sa chronique Nounoun. Justine Renaud, elle, nous a parlé de tout ce délicieux sucre qu'on va manger pendant les vacances dans Justine Pertine. Et Alicia Lemieux nous a appris comment passer un temps des fêtes un peu plus écolo. Mm-hmm. De son côté, Jimmy Thibodeau s'est posé quelques questions sur la communauté LGBTQ+, dans sa chronique Gauchère Bévue. Sébastien Viartin a fait sa revue de l'année et on a peut-être un petit peu débordé sur Star Wars. peut-être. À peine dans son bulletin Gartin. Et tu nous as suggéré quelques activités à faire cet hiver dans ta chronique Tania is gonna entertain ya. Ben Mathieu, justement, j'ai une bonne idée d'activité qu'on pourrait faire pendant les fêtes. Écoute ça, OK? C'est pré-enregistrer nos émissions et rester couché tous les matins jusqu'au 8 janvier. Oh, ça c'est fort! T'es certaine que tu veux pas venir pendant les fêtes parce que ça se fait, tu sais, si on peut... Non! Tania is gonna entertain you. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania! She's gonna dream. Tania Baudin. Tania Baudin. Oui. On parle du temps des fêtes, si je me trompe pas. Exactement. On va parler du temps des fêtes parce que c'est quand même assez intéressant. Puis on est à quelques jours de la grande fête de Jésus seulement. Oui. Ça s'en vient, ça s'en vient. quand on se met à écouter les chansons qu'on écoute à Noël, les paroles sont tellement religieuses. Mais oui, mais c'est une fête religieuse, Je sais, mais ça me surprend à chaque fois que... Ouais, ben parlant de religion, avant même de commencer ma chronique, on en a discuté un petit peu tout à l'heure. Tout à l'heure. Dans l'ancien temps, je fais des snaguerres. Exactement. Avec Alicia, on a parlé du fait que j'avais été faire un tour du côté du marché de Noël au sanctuaire du Cap-de-la-Madeleine. Mm-hmm. Pour ceux qui n'y ont jamais été, je vous invite vraiment à aller faire un tour. Ça fait plusieurs années que je veux y aller. Je réussis jamais à y aller à temps. Je dois maintenant y aller de soir parce que là, j'y étais de jour et évidemment, les lumières ne sont pas allumées de jour. C'est pas pareil, ben non. C'est vraiment pas pareil. Mais si vous avez la chance d'aller faire un petit tour, c'est vraiment très plaisant. Déjà, à l'extérieur, il y a plusieurs petites cabanes avec des artisans, mais aussi à l'intérieur, sachez-le, dans la petite basilique... au sous-sol, eh bien, le marché de Noël se poursuit là. Il y a d'autres artisans. C'est vraiment intéressant. C'est le fun. Ça fait passer une belle après-midi quand même. Ça se fait quand même assez bien. Là, on passe pas des heures et des heures et des heures là-bas. Mais je vous dirais que peut-être vous en avez pour un bon deux heures si jamais ça vous intéresse. C'est sûr que si vous vous mettez à tout goûter et à tout visiter en posant des questions, si vous êtes curieux de ce côté-là, c'est sûr que vous pouvez rester pendant encore des heures et des heures. Mais allez-y, mais surtout, habillez-vous chaudement. Oui. OK, je dis ça comme ça. C'était quand même assez frisquet. Et c'est sûr que si vous y allez de soir, bien, il y a Noël en lumière du côté de Sanctuaire. Donc, c'est les arbres qui sont éclairés. Et jamais, si ça vous intéresse, que vous avez des guirlandes de Noël que vous n'utilisez plus, qui sont à lumière, eh bien, sachez que le Sanctuaire les reprend et ils vont les mettre dans les arbres au Sanctuaire pour justement agrémenter le Noël en lumière. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous ne savez pas trop quoi faire. On ne sait jamais vraiment quoi faire avec des guirlandes qui nous restent, oui, mais qu'on ne veut pas nécessairement encore utiliser, bien, faites un don. Si vous n'êtes pas capable de les démêler, donnez-leur, ils vont les démêler. Ils vont les démêler puis ils vont les utiliser aisément. On parle du temps des fêtes parce que il y a une question qui me revient quand même assez souvent en tête. C'est pourquoi est-ce qu'on regarde tout le temps les mêmes films? Pourquoi est-ce qu'on écoute tout le temps les mêmes musiques dans le temps de Noël? Tradition. Et certaines personnes relisent les mêmes livres à Noël. Pourquoi? Bien, chaque année, en fait, les chaînes de télévision, ça se fait un plaisir de nous diffuser les mêmes films de Noël. Mm-hmm. On les connaît par cœur. On prend aussi un malin petit plaisir à regarder encore et encore. Mais est-ce que dans tout ça, il y a une histoire liée à Noël? Tu sais, Love Actually, Le Père Noël est une ordure, Maman, j'ai raté l'avion. Ce sont des films qui ont absolument rien à voir avec la fête de Noël. Ça se passe à Noël. Vous adorez regarder ces films-là à cette période de l'année-là. Ou il y a certaines personnes aussi qui aiment lire des livres Et lorsque l'approche de l'hiver arrive, vous les relisez. Bien, l'an dernier, il y a un journaliste qui s'est penché sur la question. C'est Maxime Delcourt et il racontait sur Slate que chaque année, en décembre, il aime visionner les mêmes films que son enfance, donc dans son temps. Et personnellement, il dit qu'il pousse le vice encore plus loin. Il surpasse inlassablement chaque décembre une série de films qui rappellent son enfance. Il en connaît les répliques par cœur, il en sait les moindres détails, il a l'impression de connaître les personnages intimement et pourtant, ça change absolument rien au rituel du monde dans le temps des fêtes. Pourquoi? Pourquoi? C'est la grande question. Pourquoi est-ce qu'on aime se replonger avec une certaine régression dans des œuvres qu'on connaît déjà? Le côté protecteur, en fait, qu'elle nous procure, ça serait une des raisons. Ah. C'est pas nécessairement une question de nostalgie. C'est confortable. C'est que les films de l'enfance, ça constitue presque l'équivalent d'une maison de vacances. Ouais. C'est de la réalité. Ben, ils ont quelque chose de protecteur, ils ont quelque chose de compensateur. C'est un directeur du laboratoire de recherche de l'Institut de recherche sur le cinéma et l'audiovisuel qui raconte justement que les films, ça a cette espèce de réconfort-là. C'est une doudou. Ce sont des films qui ont quelque chose à partager. Un peu comme un album de famille qu'on ouvre pour se rappeler des bons souvenirs. L'institution familiale s'est remplie d'objets culturels de la sorte. Si vous vous rappelez, vos films de jeunesse viennent probablement des films préférés de vos parents. Ouais. C'est une protection, c'est compensatoire, c'est nostalgique un petit peu, moi je te l'accorde. C'est aussi, bien évidemment, bon, la période de Noël, c'est un moment où on régresse vers l'insouciance. On devient tous un peu plus gaga, on dirait, à Noël. Donc l'hiver, c'est une période de stress. C'est l'heure du bilan de l'année, qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui a pas pantoute fonctionné. Est-ce qu'on a atteint nos objectifs personnels ou professionnels? Bien, c'est le moment de programmer des bonnes résolutions aussi. C'est le moment qu'on se rappelle qu'on n'a pas nécessairement tenu toute l'année nos résolutions qu'on avait dit l'année d'avant. C'est parfois aussi l'année où qu'on va se dire que tout s'est écroulé. Donc, on a envie de se sentir bien. On a envie de se sentir bien, on a envie d'éteindre notre téléphone, on a envie de régresser vers une période d'insouciance qui est douce. Ouais. Et les films de Noël, les films qu'on connaît depuis notre jeunesse, ça nous rappelle cette insouciance-là. On s'en fout un peu de ce qu'on fait quand on écoute un film de Noël. On arrête de tout faire, on reste là avec notre doudou, on est réconforté, on trouve vraiment cette protection-là et on devient plus gaga. Mais se replonger dans des films de Noël ou dans des livres préférés, c'est aussi de la nostalgie, comme tu le disais. Dans le Huffington Post américain, il y a un psychologue qui s'appelle Neil Burton qui explique que si on revoit des films ou si on relit des livres, c'est parce qu'ils nous apportent du réconfort. Et c'est un réconfort qui vient du fait que c'est bon de se souvenir d'une période passée, d'échapper à la réalité du moment. Et probablement que si vous écoutez tout le temps les mêmes films de Noël, c'est qu'ils sont reliés à un souvenir direct de soit quelqu'un ou soit un Noël qui vous a vraiment fait du bien. La nostalgie, ça nous rappelle que notre vie n'est pas banale aussi. Notre quotidien est banal, même souvent absurde, mais la nostalgie, ça peut nous donner le contexte, la perspective et la direction nécessaire à ce qu'on veut faire dans la prochaine année. Donc, ça nous rappelle que notre vie n'est pas aussi banale qu'elle puisse paraître. Et souvent, si vous écoutez des films de Noël, vous allez peut-être vous dire aussi « Ah, moi, l'année prochaine, je fais ça ». Vous allez voir quelque chose dans le film qui va vous rendre nostalgique, que ce soit, par exemple, renouer avec quelqu'un de votre famille ou retourner dans votre patelin si vous êtes plus loin, parce que souvent, dans les films de Noël, c'est ça qui se passe. Se rappeler les valeurs du temps des fêtes, ça va venir jouer un petit côté doux à votre banalité de la vie quotidienne et vous allez vous dire que vous allez changer quelque chose par rapport à vous. Donc, c'est comme une rétrospective de votre année, mais dans des films et des livres. Il ne faut pas voir ces moments-là comme une perte de temps. Au contraire, c'est important. Il faut s'accorder un répit en fin d'année parce que justement, on a passé au travers d'une année qui, pour certains, est quand même assez difficile. Il faut s'autoriser à passer la journée en pyjama, à regarder des films, à danser sur des chants de Noël, à préparer de la bouffe, du chocolat chaud, peu importe. Il faut prendre soin de soi et son cœur et dans le temps des fêtes, bien, c'est ça qui fait du bien et c'est ça qui va bien partir votre prochaine année aussi. Si vous écoutez pas les films de Noël qu'on écoute à chaque année, probablement que votre année va moins bien commencer. Ah. Donc, il faut penser à ça. N'hésitez plus. Écoutez un film de Noël quétaine que vous aimiez quand vous étiez jeune. Faites-vous une infusion de thé ou de chocolat chaud ou relisez votre livre préféré du temps des fêtes quand vous étiez jeune. C'est ça qui fait en sorte que, oui, vous vous mettez dedans pour les fêtes, c'est sûr et certain, mais vous allez voir qu'après les fêtes, vous allez mieux vous sentir. Mm-hmm. Vous allez vous sentir comme si vous savez ce que vous allez faire pour la prochaine année. Et t'es pas obligé de juste regarder des vieux films. Tu peux prendre la nouvelle sur Netflix, apparemment qu'il y a une catégorie film quétaine de Noël en ce moment. Oui. Donc, vous pouvez vous créer de nouveaux souvenirs pour exactement. De la nostalgie future. Mais oui, mais à chaque année, Hallmark ou peu importe le diffuseur se fait un plaisir de sortir des nouveaux films de Noël. En a plein en ce moment. En a plein, vraiment. Ces films-là vont peut-être faire partie d'une prochaine tradition. Ça va peut-être revenir, mais c'est sûr que de saupoudrer votre classique du temps des fêtes avec des nouveaux, c'est tout le temps fun, c'est tout le temps plaisant. Puis ce qu'on aime faire aussi dans le temps des fêtes, c'est de sortir à l'extérieur. C'est ouais. De faire quelques activités. Et moi, si tu me poses la question, Mathieu, je te dirais que, bon, je sais pas ce qu'il y a encore. je fais pas de snow. La raquette, j'ai l'air d'une taouin quand je fais ça, fait que j'en fais pas. Mais j'adore patiner. Bon. Le patin d'hiver, surtout dans le temps des fêtes, c'est le fun. Ça me fait rappeler justement quand j'étais beaucoup plus jeune, puis mon père nous faisait une glace dans le cours en arrière pour qu'on puisse patiner à n'importe quelle heure de la journée. Mais le patinage en Mauricie, sachez qu'il y a beaucoup de patinoires extérieures. Elles sont peut-être pas tous encore ouvertes, mais il y en a beaucoup. Et aujourd'hui, je vous présente 7 belles patinoires extérieures pour que vous puissiez aller faire un petit tour dans un coin de la Mauricie pour pouvoir aller patiner. Donc, le premier, je pense que c'est un classique, mais c'est maintenant un classique québécois. Le domaine de la forêt perdue à Notre-Dame-du-Mont-Carmel. C'est un incontournable en Mauricie. En fait, on aime le fait que les sentiers soient sous forme de labyrinthe en forêt. C'est 15 km de sentiers glacés, sachez-le. Donc, vous allez pouvoir le parcourir à travers une pinède. C'est super beau. Il y a des animaux aussi tout autour de vous. C'est des heures de plaisir garanties. Vous pouvez prendre le temps. Vous pouvez rentrer à l'intérieur, boire un chocolat chaud. Vous pouvez retourner patiner. C'est ouvert jusqu'à très tard le soir, sachez-le aussi. Ça ouvre quand même tôt aussi. Donc, c'est décoré dans le temps des fêtes. Et comme je vous le disais, c'est devenu une espèce de classique du Québec en tant que tel parce que il y a plusieurs personnes qui se sont décidées à y aller et on en a entendu parler dans plusieurs journaux, dans plusieurs sites internet. Donc c'est sûr qu'il y a de l'achalandage, OK? Vous allez pas aller là puis vous allez être toute seule là, à moins que vous arriviez à 5h le matin là. C'est sûr, c'est des forêts. C'est une forêt, c'est des petits sentiers. Donc, si vous décidez d'y aller un dimanche après-midi, ça se peut qu'il y ait 142 familles. Ça se peut qu'il y ait 354 couples. Si vous y allez seul, c'est peut-être plus facile pour vous de pouvoir vous déplacer à travers ces gens-là. Mais sachez qu'il va y avoir de l'achalandage. Mais ça vaut la peine juste avec les paysages que vous allez voir au travers de tout ce que vous allez patiner durant la journée. Par la suite, eh bien, le parc de l'île Saint-Quentin à Trois-Rivières, c'est quand même aussi un classique en Mauricie. Le parc, c'est un complexe de sports d'hiver par excellence. Moi, j'étais pas au courant de ça. On peut y faire du traîneau, on peut glisser. Donc, il y a plusieurs activités pour toute la famille. Et il y a un sentier de glace d'environ 2 km. Il y a aussi un rond de glace avec un foyer et une patinoire pour les amateurs de hockey. Ah. Donc, souvent, lorsque vous allez aller à l'étang du coin, par exemple, mais pour les garçons ou pour les filles qui désirent jouer au hockey, on n'a pas tout le temps la possibilité parce qu'il y a des gens qui vont faire du patinage libre. Mm-hmm. Au parc de l'île Saint-Quentin, bien, sachez que vous allez avoir une patinoire juste pour vous. Réservée. Si vous désirez jouer au hockey, par la suite, vous allez avoir un rond de glace avec un foyer si vous voulez faire du patinage libre. Et si jamais vous voulez vous déplacer et pas nécessairement tout le temps tourner en rond sur un rond de glace, bien, vous allez avoir un sentier de 2 km. Donc, on en a vraiment pour tous les goûts. Une journée à Lille, si on regarde le slogan de Valcartier, c'est pas assez. C'est pas assez. Et sur place, bien, vous allez pouvoir faire de la marche nordique aussi. Vous allez pouvoir faire de l'observation d'oiseaux si jamais ça vous intéresse. Tantôt, tu disais qu'il n'y a pas d'oiseaux l'hiver, il y en a? Oui, mais il y a des oiseaux hivernaux, Mathieu, bon. Quand même. Bon, mais pourquoi tu m'as dit qu'il n'y a pas d'oiseaux tantôt? Ouais, mais toi, tu parlais de genre des mouettes, là. Non, non, je parle d'oiseaux. OK, OK. Oh, ouais. C'est bon, oh, c'est ouais. bon. Tout à l'heure, je vous disais que moi, j'ai l'air d'une taouin en raquette, mais sachez que si vous êtes un grand amateur ou une grande amatrice de raquettes, si vous êtes un taouin, si vous aimez ça, hein, les raquettes, bien, il y a des nouveaux sentiers de raquettes du côté de l'île Saint-Quentin. Donc, c'est le fun. C'est des nouveautés aussi qui s'ajoutent chaque année du côté de l'île Saint-Quentin. Donc, vous pouvez très bien avoir un rituel d'aller patiner là-bas, mais vous allez arriver, puis il va avoir une nouveauté. Cette année, c'est le Fat Bike. Le vélo d'hiver. C'est le fun, ça. J'ai vu quelqu'un faire ça. Exactement. Ça commence. Ça a l'air vraiment le fun. Ouais. Et le côté pratique, en fait, à l'île Saint-Quentin, c'est que vous pouvez faire la location, que ce soit du Fat Bike, du patin, du traîneau à glace, vos raquettes. Vous n'êtes pas obligé de tout amener vous-même. Mm-hmm. On en fait la location directement sur place. Fat Bike, c'est celui avec les gros pneumatiques à la place de la exactement. Roue. Exactement. C'est bon, le fun. Ben, pas à la place de la roue, sur la roue. Oui, c'est ça, exact. C'est bon, cool. Sinon, on peut se déplacer du côté de l'auberge Le Baluchon à Saint-Paulin pour aller patiner. Encore une fois, c'est une magnifique patinoire. C'est sur la petite rivière du Loup. Donc, c'est sous forme de trottoir de glace. On a une longueur de 5 km. C'est la troisième plus longue au Québec. Et c'est parmi les 10 plus belles patinoires du Québec. Ça va ouvrir en janvier seulement, par contre. Donc, vous pouvez... Pendant le congé, mais oui. C'est ça, pendant le congé. C'est sûr que... Même là, moi, hier, je voulais aller patiner. J'ai été déçue. Il n'y a pas de patinoire encore d'ouverte. Ça s'en vient. Il fait très, très froid. Donc, automatiquement, on s'attarde du côté de la ville de Trois-Rivières ou du côté de la Mauricie à travailler les glaces extérieures. Mais sachez qu'il y a quand même les glaces intérieures. Si jamais, pour le moment, vous voulez en faire, patinage libre, c'est possible. Et du côté de l'auberge Le Baluchon, c'est possible aussi de faire la location de patins pour une demi-journée pour les adultes et les enfants. Il y a de l'hébergement sur place si jamais vous venez pas de la région. Sinon, du côté du secteur de Lac à la Tortue, eh bien, vous pouvez très bien aussi aller patiner. C'est un sentier glacé du côté de Shawinigan. Patinage libre seulement sur sentier de glace, mais c'est parmi les belles patinoires de la Mauricie. Et l'auberge du Lac à l'eau claire à Saint-Alexis-des-Monts, apparemment que c'est magique. Ça ressemble un petit peu au domaine de la forêt perdue. Mais si par exemple, là, vous avez l'âme romantique. Vous avez le goût d'une petite balade main dans la main en patinant puis en vous plantant. C'est cute, ça! Exactement. Ou une petite poussée d'adrénaline à dépenser sur de la glace. Bien, vous allez être vraiment très bien servi du côté de Saint-Alexis-des-Monts à l'auberge de Lac à l'eau claire. C'est un anneau de glace. C'est éclairé. On parle de 900 mètres qui permet des belles promenades. C'est un bang! C'est un beigne, ouais. Mais c'est parfait si vous voulez vous initier à la pratique du patin à glace aussi. Si vous voulez y aller tout en douceur ou vous vous dites qu'il va y avoir beaucoup trop d'achalandage du côté de Notre-Dame-du-Mont-Carmel avec la forêt perdue, bien l'auberge du lac à l'eau claire, c'est une très belle patinoire. Et pour les amateurs de sport d'équipe, bien on organise des parties de hockey ou de ballon-ballet. Ça peut être disputé, par exemple, amicalement sur la patinoire à proximité de l'auberge. Faut tout simplement en aviser le personnel, si jamais ça vous intéresse, parce qu'ils vont vous faire une place. Et bien évidemment, y en a plein, là. Y en a plein des patinoires extérieures. C'est incroyable. Et si vous regardez la Mauricie, près d'ici, du côté de l'université, c'est dans le quartier de... Ah, je me souviens plus du nom de l'église. Malheureusement, je vais essayer de retrouver d'ici quelques temps, là, quand tu vas commencer ta chronique, non, Mathieu. Merci. Mais il y a maintenant la patinoire du bleu-blanc-rouge du Canadien qui a été fait. Gros investissement, mais ça devrait ouvrir aujourd'hui. Okay. Si on se fie aux nouvelles qui sont sorties dans les derniers jours, la patinoire est prête. Donc, ça pourrait être la première patinoire, en fait, de la ville de Trois-Rivières à ouvrir ses portes de façon extérieure. Les patinoires de même grandeur que le standard de la Ligue nationale de hockey. Exactement. Donc, c'est parfait pour ceux qui veulent justement disputer quelques matchs d'hockey amical. Mais je crois qu'il y a quelques restrictions par rapport à qui peut aller utiliser la patinoire. Okay. Donc, informez-vous, cherchez l'information. Mais c'est sûr et certain que les patinoires en Mauricie sont de toute beauté. Alors, faites-vous plaisir puis allez patiner durant les fêtes. Ben oui, on sait que Tania va le faire. C'est sûr. C'est ça. J'allais faire aiguiser mes patins d'abord, mais c'est sûr que je vais le faire. Cool. J'ai hâte. Merci, Tania Baudin. Fait plaisir. Jimmy Thibodeau qui est avec nous pour sa chronique Gauchard Bévue, lui qui prend des choses de la gauche, étant lui-même un gars de gauche, et qui vient les suranalyser des fois. C'est bien ça. Suranalyser. Les suranalyser selon un plan déterminé sur une feuille dans un ordre plus ou moins précis. Hein? Voilà, dans un ordre unique et original. C'est ça. C'est vraiment très original. Moi, je le dis à chaque fois, là, mais... Au moins, il y a juste une couleur de crayon. Il aurait pu avoir plein de couleurs, des codes couleurs pour suivre. OK, là, je fais le rouge en premier, puis après ça, le bleu. Je prends la suggestion pour une autre fois. C'est ça, exactement. De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Ben, on parle d'un sujet vraiment pas facile, en fait. Uh-oh. Oui, là j'y vais fort cette semaine. Ouais. Noël, non, c'est... Non. Maudit Noël. Non, je parle de... homosexualité. Oh. Oh. Puis je parle de la question de est-ce que l'homosexualité c'est un choix ou pas? Hey boy, pas facile, hein? Aventure sur quelque chose de glissant. De très, très glissant, oui. OK, juste pour être clair, je vais pas dire que l'homosexualité c'est un choix, là. J'espère commencer. Hein? Ça commencerait mal. Bon, déjà, d'une part. Par contre, mais ça va, c'est comme d'habitude, ça va être tout en nuance, n'est-ce pas? Toujours. Parce que. Si l'homosexualité c'est pas un choix aussi, faut aussi comme nuancer beaucoup de choses, là. Puis vraiment aussi s'intéresser à la vérité et non pas à ce qu'on veut bien croire. Donc c'est pour ça que je vais apporter ces nuances-là ce matin. Parce que, mais pourquoi j'en parle? Pourquoi c'est relié à la gauche? Bien évidemment parce que la gauche arrête pas de parler du fait que l'homosexualité c'était pas un choix, il faut arrêter de dire ça. Ben c'est le côté progressif, habituellement, la gauche, donc qui encourage le mariage gay, mm-hmm. qui encourage tout ce qui est LGBTQ+. C'est vu comme une manière de dire qu'il faut pas stigmatiser les homosexuels, effectivement, et toute la communauté LGBTQ+. Ils vivent déjà assez d'affaires de même sans avoir les stigmatiser. En disant que c'est pas un choix, qu'est-ce que ça permet de faire? C'est de dire, ben voyez-vous, c'est un truc naturel, ça, l'homosexualité et tout ce qui est entre l'hétérosexualité et l'homosexualité, n'est-ce pas? Donc, c'est quelque chose qui... Donc, ça permet de ne pas stigmatiser cette communauté-là, la communauté LGBTQ. Par contre, c'est ça. Je veux pas commencer par le par contre tout de suite. D'accord. Oui. C'est ça. Puis pour un exemple de ça qui est assez frappant, à quel point c'est quelque chose qui est vraiment comme accepté dans la gauche, que c'est pas un choix. Par exemple, aux États-Unis, c'est quelque chose qui est extrêmement courant. Par exemple, les républicains disent que des fois qu'ils laissent échapper que l'homosexualité c'est pas un choix, ben ils vont se faire attaquer publiquement dans les médias vraiment le lendemain, la semaine prochaine, mais vraiment très rapidement. Ça c'est clair, surtout dans les médias de gauche. Donc ça arrive toujours. Dire que c'est un choix, l'homosexualité, c'est considéré comme horrible. Puis on peut très bien comprendre parce que ça... Qu'est-ce que ça sous-entend souvent quand on dit que c'est pas un choix? Ça veut dire, ben, c'est pas naturel. C'est un style de vie, mode passagère, quelque chose comme bon, ça. Bon, ben, quelque chose comme ça. Mais... bon, maintenant, j'entre dans le par contre. Mais par contre? Oui. Bon, mais là, dans la première, ben, ça va être un petit peu philosophique ce matin parce que ça soulève des questions assez intéressantes. Je savais que tu demandais s'il y a des problèmes de boutons de chemise. Ben, moi, je me demandais quand est-ce que j'allais dire, Talia, veux-tu l'aider avec ses boutons de chemise? Il y a de la misère avec ses boutons de chemise. Bon, voilà. C'est dit. Pour ceux qui ne voient pas. Pour ceux qui ne voient pas. Autre qu'à la caméra 3. Parce qu'il y a trois personnes qui voient ici. Non, caméra 3, Mathieu. Caméra 3. Donc, tous ceux qui sont en Asie. Ouais, c'est en Chine, c'est ça. C'est ça, exactement. Pas l'Asie au complet, par contre. Ah, OK, pas juste encore la le Chine. Japon, hein. Ouais, ben, c'est parce que Jimmy, il vient de passer, comme mettons, les 10 dernières minutes à essayer de déboutonner ses boutons de chemise. Si on arrondit un petit peu. Voilà. Terminé, n'est-ce pas? Alors, oui, voilà, on a le droit de rien faire ici si c'est pas de le dire en ondes. C'est ça. C'est comme vous pouvez ça. Pas, mais vous pouvez pas y échapper. Je vais y aller dans la section philosophique quand même. OK. Fait que c'est ça, c'est d'essayer trop tard. Par contre, les amis, ce qui arrive, là, c'est que la question à savoir si... est-ce que, dans le fond, nos préférences, nos modes de vie sont vraiment comme déterminés par le monde extérieur à 100%? C'est une question intéressante. Où est-ce que notre personnalité, notre identité personnelle est issue en partie, au moins, d'une autodétermination, donc ce qu'on appellerait en philosophie d'un libre arbitre, n'est-ce pas? Je suis pas tant dans le philosophique avancé que ça, ouais, je pense non, que c'est de ça. Base, n'est-ce pas? T'es en train de comparer, disons, quelqu'un qui aurait une préférence pour les rousses, mettons. Ouais. À avoir une préférence pour, disons, les gars pour pas les vrai. Gars. Non? Ben, c'est des préférences, c'est une question qui est bonne, parce que c'est sûr que c'est des préférences, deux sortes de préférences, mais j'aurais tendance à dire que c'est deux niveaux complètement différents. Okay. Parce que la préférence pour les Russes n'est pas nécessairement comme, ne fait pas nécessairement partie de ton identité. Parce que tu prendras pas que des Russes. Ben, c'est ça, des trucs comme ça. Puis tandis que l'homosexualité, ça c'est un point intéressant de revenir, que l'homosexualité, c'est quelque chose qui fait beaucoup plus partie de l'identité comme essentielle, la personne, n'est-ce pas? Okay. Donc c'est pas quelque chose qui peut sembler comme une préférence bénigne ou quoi que ce soit. Donc faut pas comme minimiser ça du tout. Mais quand même, dans tous ces genres de cas-là, tous les cas qui touchent l'identité personnelle et les choix personnels ou les préférences personnelles qui ne sont pas nécessairement comme causés par des choix. Alors, est-ce qu'il faut vraiment comme dire que tout est déterminé par le monde extérieur ou est-ce qu'il y a une autodétermination? Il ne faut pas non plus minimiser la présence des bisexuels et autres en questionnement. Ben, tu anticipes tout à fait mes points, mon cher. C'est excellent. On va y revenir très bientôt. Mais tout ça pour dire que dans l'autodétermination, par exemple, t'as des gens comme les existentialistes qui vont carrément... puis les existentialistes, il y a bien des gens de la gauche qui trippent sur ces gens-là, ces philosophes-là, comme Camus, Sartre et tout. Qu'est-ce qu'ils disent, les existentialistes? Ils disent, mais en fait, notre essence, notre identité personnelle n'est jamais déterminée par le monde extérieur. C'est toujours nous qui décidons qui nous sommes à chaque moment de notre vie. Puis il n'y a même pas les déterminations biologiques qui nous influencent là-dedans. On décide de tout ce qu'on veut tout le temps. On est complètement libre à 100%. C'est une liberté radicale. Donc, mais si tu crois vraiment ça, petite gauche, là... Genre, là, mettons, là, logiquement, là, mettons, par raisonnement logique, forcément que l'homosexualité, c'est un choix à quelque part, d'une certaine manière, tu sais, tu comprends? Donc, Selon eux. Mais bon, on dira pas ça, parce que le bon sens, évidemment, dit que le monde, on a une interaction avec le monde extérieur, puis qu'on a un corps, on a des hormones, on a des gènes, etc. Donc, le gros bon sens va dire que les existences n'ont pas raison. Ça, c'est mon parti pris, évidemment. Mais bon. Donc, on n'avait pas vu ça. Donc voilà, c'est ça. Donc on va pas dire ça. Mais ça existe quand même dans la gauche. Puis c'est quand même intéressant à relever. Puis le problème d'autodétermination, ça va aussi revenir dans la chronique un peu plus tard. Mais prenons pour acquis que c'est pas un choix, là, l'homosexualité. Puis on va le prendre pour acquis pas mal pour tout le reste de la chronique. Okay. Là, je dirais parce que c'est assez vrai que c'est pas un ça choix. Ça va être sous-entendu. Ouais. Parce que qu'il y a des déterminations par rapport à l'homosexualité, c'est pas quelque chose qui est étonnant du tout, là. Quelque chose qui est quand même possible au niveau génétique. Effectivement, on voit beaucoup de corrélations, en fait, entre certains comportements à l'enfance. Parce que, évidemment, les bébés ne sont pas gays ou ne sont pas hétérosexuels. Mm-hmm. Les bébés, ça n'a pas d'orientation sexuelle tout court. Mais quand même, chez les enfants, on trouve quand même certains comportements qui sont corrélés avec une orientation sexuelle, homosexuelle plus tard, ou l'inverse, certains comportements qui sont corrélés avec une orientation hétérosexuelle un peu plus tard au cours de la vie. Donc, tout ça amène à dire que au moins des déterminations quelque part, forcément, tu sais. Donc, ça, il faut vraiment pas le nier, je pense. Là, puis je veux vraiment comme désamorcer cette bombe-là tout de suite, n'est-ce pas? Mais bon, maintenant, on prend ça pour acquis, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il faut conclure? Est-ce que l'homosexualité, c'est quelque chose qui est acquis ou quelque chose qui est inné? Parce que même si c'est pas un choix, ça n'empêche pas que ce soit acquis par l'environnement ou la société éventuellement, n'est-ce pas? Ça, c'est un débat qui est complètement pas réglé au niveau scientifique, là, mais pas du tout. Puis je vais examiner, puis il y a des problèmes avec les deux idées, là. Puis je vais examiner les deux hypothèses une par une. La première, l'idée que nos comportements seraient innés. En fait, nos comportements sexuels seraient innés. Moi, j'ai tendance à dire que c'est pas ça du tout, même que les études scientifiques vont un petit peu contre ça. Évidemment, c'est sûr qu'il y a des facteurs génétiques, des facteurs hormonaux, etc. Mais ça semble pas être suffisant. En tout cas, il n'y a pas de preuve jusqu'à maintenant que c'est suffisant puis que ça permet de dire que c'est inné. Puis il y a plusieurs problèmes avec ça. Le premier, c'est celui que tu as relevé, d'ailleurs, d'une part, le fait que, en fait, les étiquettes hétérosexuelles, homosexuelles, c'est juste une binarité qui n'a pas vraiment lieu d'être dans la réalité. Non seulement il y a les bisexuels, mais il y a aussi tous les gens qui s'identifient autrement dans la communauté LGBTQ, évidemment. C'est vraiment une pluralité vraiment énorme. Ben oui, voilà. C'est ça. Puis non, il n'y a pas juste les questions de bisexuels et toutes les autres lettres dans le LGBTQ+, puis il en existe d'autres, des lettres, je ne me rappelle pas par cœur. Ouais, mais le plus les englobe, comme on dit toujours. Mm-hmm. Pardon? Le plus les englobe, ces autres lettres-là. Ben c'est ça, ouais, ben voilà. Sinon, on va avoir 26 lettres là-dedans. Tout à fait, le plus, je pense, c'est bon pour ça, mais... Ben, moi, je trouve que oui. Ouais, c'est ça. Mais le plus, c'est à la base, je voulais dire autre chose, mais je pense que c'est une bonne manière de l'utiliser. Ben sinon, remplaçons-le par un 3 petits points. Hein? C'est ça, un 3 petits points. Mais... Parce que je veux les englober. Sauf que je ne vais pas prendre une demi-heure pour dire l'acronyme. Non, c'est donc, ça. LGBTQ+, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi même des gens tout entre les deux. Intersexués et autres, je veux dire, intersexués, il y a aussi juste le phénomène de bicurieux, là, qui revient de plus en plus dans l'espace public, n'est-ce pas? Il y a eu un article de The Guardian qui a été fait une couple de mois là-dessus qui disait, voyez-vous, Les jeunes aujourd'hui, la jeune génération s'identifient de moins en moins comme hétérosexuels, homosexuels, mais des fois un petit peu entre les deux, des fois bisexuels, des fois un petit peu hétérosexuels, mais veut essayer des choses, exactement. Mais ça, il y a une différence, excuse-moi de t'interrompre, mais tu sais, quand on parle de est-ce que c'est inné, est-ce que c'est acquis, pourquoi est-ce que certaines personnes auraient des pulsions à aller voir de leur propre côté si c'était pas quelque chose qui était inné? Ben c'est non. Ça. Ce que ça nous amène à dire, ce point-là, c'est dans le fond, ça n'a pas l'air tant rigide que ça, ces étiquettes-là. Puis il y a même lieu de croire que ces étiquettes-là sont maintenues socialement parce qu'il y a assez de pression pour se conformer à des normes. Quelqu'un qui est hétérosexuel et qui a des petites, qui a des tendances à être attiré par certains hommes des fois, va peut-être être amené à ne jamais essayer et avoir des expériences. Pourquoi? Parce que il y a une certaine homophobie, il y a un tabou, exactement. Donc, va se conformer à des normes, veut pas paraître d'une certaine manière devant les autres, veut pas se faire étiqueter homosexuel ou bisexuel. Donc, il y a ce stigmate-là aussi qui empêche les gens de, qui renforce les stéréotypes, les étiquettes, n'est-ce pas? Donc, c'est sûr, évidemment, il y a des gens aussi qui, dans le monde, qui sont complètement hétérosexuels, homosexuels. Je ne nie pas cette possibilité. Mais, puis il y a même des gens qui sont hétérosexuels, par exemple, qui peuvent trouver des hommes attirants, mais pas assez pour avoir vouloir une expérience. Il y a plein de différentes positions dans le spectre. Mais ça reste pas quelque chose de complètement binaire. T'es homosexuel, tu l'es pas. C'est bien le fun de vouloir mettre tout soit noir, soit blanc. C'est ça, exactement. C'est facile, mais c'est pas de même. Donc voilà. Donc il y a un grand spectre. Et ça met un petit peu à mal l'idée que c'est inné, cette affaire-là. Puis d'un point de vue aussi culturel puis historique, c'est intéressant de regarder ça parce que l'étiquette d'orientation sexuelle, c'est quelque chose qui est très moderne, qui est arrivé avec la révolution industrielle. Avant cette période-là, il y avait, on parlait pas d'homosexualité ou d'hétérosexualité. On parlait de tout à fait autre chose à l'époque. Dans l'Antiquité romaine, on pouvait coucher avec qui on voulait. C'était pas ce qui était vraiment dans l'Antiquité romaine, entre autres, et grec, ce qui était vraiment considéré comme mal, c'était par exemple un homme ne devait pas être comme dominé, être dans des positions de dominer sexuellement. Vous voyez, donc il peut pas être comme chevauché par quelqu'un. C'est tout le temps lui qui doit comme donner, si on veut. Voilà pour. Ouais. C'est ça. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Ouais. Donc c'était des trucs comme ça qui distinguaient les préférences, les orientations sexuelles, entre guillemets, si on veut, à l'époque. Mais il n'y avait pas de titre à ça. Il n'y avait pas de titre au niveau du genre, pas du tout. C'est quelque chose qui est très moderne. Évidemment, il y avait des gens, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des hétérosexuels et des homosexuels à l'époque, mais le terme n'existait pas. C'est ça, on entend souvent cet argument-là. Ouais, mais il n'y avait pas de gays des années, telle affaire. Ouais, mais les gens sortaient moins, peut-être, le disaient moins. Mais c'est la même chose que dans le passé plus loin. T'sais. Ben oui. Exactement. Puis, l'Antiquité grecque est super intéressante à cet égard-là. Pourquoi? Parce que des hommes d'âge mûr qui couchaient avec des jeunes hommes, c'était extrêmement courant. Mais ça n'empêchait pas ces mêmes hommes d'âge mûr-là d'aller voir... à l'époque, c'était une société extrêmement machiste. Fait que souvent, eux autres, ce qu'ils avaient, c'est une femme pour procréer. Ils avaient aussi des maîtresses. Et enfin, des fois, ils prenaient des prostituées dans la rue aussi, donc voyez-vous. Et ils prenaient aussi des fois des jeunes hommes. Donc, il n'y avait absolument rien de binaire là-dedans. C'était complètement horrible, les pratiques sexuelles à l'époque. Mais c'était pas binaire. Puis l'homosexualité est acceptée. Puis ça, c'est une bonne chose. Mais là, mettons, est-ce qu'on peut diviser les choses? Est-ce qu'on pourrait voir les choses juste à la vision sexuelle puis à la vision de l'amour? Ça pourrait pas faire une différence pour certains? Tu veux dire que de séparer les deux sphères, ça serait important dans certaines situations? Ouais, si on regarde, mettons... Sexuellement, tu peux être attiré par quelqu'un du même sexe, mais pour l'amour, tu voudrais rester du... Ou l'inverse. Ben, tu sais, ouais, c'est ça. Tantôt, on disait qu'il y a certaines personnes qui sont attirées, mais qui seraient pas. Qui voudraient pas aller plus loin. Puis, il y en a d'autres que ça leur dérange pas d'essayer, mais c'est tout le temps relié à la sexualité. C'est vrai. Ouais, tout à fait. Ben, c'est sûr que, en même temps, c'est un autre. Comme. Question intéressante. C'est sûr que. Ça montre encore une fois à quel point c'est diversifié, les relations entre les hommes et les femmes et entre les différents genres, n'est-ce pas? Ça peut ramener même au polyamour. Oui, c'est ça, exactement. Dans le fond, qui peut aussi être de la bisexualité, parce que peut-être que tu as de l'amour pour les personnes de deux sexes différents, mais tu as des relations sexuelles juste avec une personne, parce que c'est ce côté-là qui t'attire. Ouais. Morale de cette histoire, il y a plein de possibilités, puis la binarité, ça n'a juste pas de sens, là. Effectivement, même si tu es en couple avec quelqu'un d'un sexe quelconque, tu n'es pas obligé d'être attiré seulement par ce sexe-là, ouais, etc. Donc, il y a plein de trucs comme ça que c'est des bons points. Puis voilà, d'un point de vue historique, ça a été inventé sur le tard, cette notion-là. Et encore aujourd'hui, il y a aussi c'est vu différemment dans différentes cultures. Sur l'île de Samoa, en Océanie, ce qui est intéressant de noter, c'est que, c'est un exemple parmi tant d'autres, n'est-ce pas? Il y a des jeunes hommes, des fois, qui, à la naissance, sont choisis comme des hommes qui vont devenir efféminés. On va les rendre efféminés. Okay. Et on s'attend d'eux à ce qu'ils couchent avec des hommes. Mais ces hommes-là se considèrent comme tout à fait hétérosexuels, ont une femme, etc. Mais vont quand même être efféminés. Mais ça reste des hommes quand même. Ils ont sexuellement parlant, anatomiquement parlant. Donc, voilà. Un autre exemple, encore aujourd'hui, les étiquettes sont floues à certains moments. Puis, c'est quelque chose qui semble vraiment très, très déterminé culturellement et non de manière innée. Puis la culture, c'est pas quelque chose d'unique, c'est quelque chose qui s'acquit, qui évolue, n'est-ce pas? Ça, ouais. Ben oui, c'est ça. Puis pas juste au niveau culturel, aussi au niveau biologique, ça peut être intéressant de se pencher sur les questions d'acquisition du comportement sexuel avec la biologie. Par exemple, il y a des études il y a des études sur le comportement sexuel des oiseaux. Puis il y a certains oiseaux qui ont effectivement des comportements homosexuels, mais apparemment, ce serait des variations hormonales, des fois, qui amèneraient certains oiseaux homosexuels à s'accoupler avec d'autres oiseaux du même sexe. Donc voilà, donc c'est ça. Puis encore une fois aussi, au niveau culturel, comme j'avais dit, les normes, la pression qu'on a pour maintenir les étiquettes hétérosexuelles, homosexuelles. Quand on est hétérosexuel, il y a comme un mur qu'on ne doit pas franchir, mm-hmm. sinon on va être étiqueté tout de suite. Même chose pour les homosexuels aussi. Il y a comme une sorte de normativité des deux côtés, j'ai l'impression. Même chez les transgenres aussi, c'est quelque chose que j'avais posé à un moment donné à des transgenres dans une conférence. Je leur demandais, des fois, est-ce que les stéréotypes... par exemple, si un homme qui veut devenir une femme, donc cette transgenre-là, est-ce qu'elle doit se conformer à certains stéréotypes féminins et tout? Puis on m'avait dit, ben ça dépend des fois. Il y a des gens qui acceptent le fait d'être entre les deux, mais il y a aussi beaucoup de stéréotypes auxquels les gens sont attendus à se conformer, même dans la communauté transgenre. Donc, ça, c'est pas nécessairement doivent, c'est plus se sentent. Ben même il y a des gens, des transgenres qui jugent d'autres transgenres parce qu'ils ne se conforment pas assez à des stéréotypes. J'imagine. Ça arrive. Mm-hmm. Ça. Donc, il y a de la normativité de toutes les barres, dans toutes les communautés. Donc, il y a aussi ça qui détermine un petit peu les étiquettes, j'ai l'impression. Donc, l'idée que l'homosexualité, c'est quelque chose d'inné, moi, je trouve ça un petit peu, en tout cas, douteux en ce moment. Scientifiquement, c'est pas vraiment établi. Puis, si on regarde ça d'un point de vue culturel, ça semble être une construction pure et simple, cette idée d'orientation sexuelle-là. Donc, ça met un petit peu à mal l'idée que l'homosexualité, c'est quelque chose de naturel. Mais est-ce que je suis vraiment en train de condamner l'homosexualité? Non, on va y revenir, là. Mais je ne dis pas non plus que c'est un choix nécessairement, parce que, encore une fois, la société, c'est quelque chose qui nous détermine, n'est-ce pas? Mm-hmm. C'est ça, que ce soit un choix ou pas, peu importe, mais si on les vit, c'est ça que ça veut dire. Ben, tu vas voir la conclusion, ça ressemble pas mal à ça. Ok, je m'excuse, là, je t'ai pilé dessus, pardon. Ben non. Mais pas dans ce sens-là. C'est bien correct, c'est bien correct. Mais. Non, excuse-moi. Oui. Alors, étudions la deuxième hypothèse, n'est-ce pas? Oui. Si c'est pas inné, est-ce que c'est acquis? Ben, moi, j'aurais tendance à dire que ça, c'est une bonne hypothèse. Mais par contre, si c'est acquis, c'est là qu'il faut se poser la question à un moment donné. Si c'est acquis, est-ce que c'est complètement déterminé? Parce que les comportements qu'on a acquis, par exemple, au niveau de l'apprentissage, au niveau de nos habitudes de vie, on veut bien croire que c'est influencé par les autres et par notre environnement. À un moment donné aussi, on veut bien se dire qu'on a une certaine part de responsabilité dans notre identité personnelle, n'est-ce pas? Mm-hmm. Donc, pourquoi on ne devrait pas faire la même chose par rapport à notre identité sexuelle? Hein? Et aussi, un autre truc qui est intéressant, si l'environnement peut nous déterminer à être d'une certaine manière, par exemple, avoir une identité sexuelle, pourquoi on ne pourrait pas s'auto-déterminer à devenir d'une certaine manière? C'est sûr que c'est pas simple comme ça, c'est pas magique. Ben, un peu comme plusieurs personnes dans les communautés républicaines et autres de la droite aux États-Unis vont essayer de guérir ton homosexualité pour te ramener sur le droit chemin. Mais ça, c'est complètement absurde. Pas, hein? Ça marche pas, c'est pas magique. Donc, il faut pas aller à ces conclusions-là parce que c'est acquis, tu sais. Si c'était acquis. Puis évidemment, moi, je nie pas qu'il y ait une partie d'inné là-dedans, puis des prédispositions génétiques ou biologiques. C'est ce que j'allais dire, le mot prédisposition. Ouais. Exactement. Est-ce que ça peut être acquis avec une prédisposition? Voilà, tout à fait. Donc, ce qui me semble tout à fait être proche de la vérité, en fait, en réalité, là. Donc, voilà, à cause des prédispositions. puis le fait que ce qui est acquis, ben ça reste ancré en nous assez longtemps, puis une identité personnelle, ça se change pas du jour au lendemain. Donc c'est sûr que on peut pas se mettre à vouloir changer les autres comme ça d'un coup, ça marche pas de même. Donc l'idée que c'est naturel, ben, ou que ça se change pas, qu'il faut accepter ça, qui tient quand même la route malgré tout. Donc ça, c'est, je tiens à le préciser. Mais quand même, est-ce qu'on doit vraiment comme toujours condamner l'idée que c'est un choix, cette affaire-là? Si on se met tout le temps à dire que l'homosexualité, c'est jamais un choix en aucun cas, est-ce qu'on se met un petit peu là, à devenir un petit peu trop fataliste dans la vie? Si t'as pas le choix. On met pas en question à un moment donné... Donc, on remet en question des notions vraiment comme importantes dans la société, comme la responsabilité, le libre arbitre. Ouais. Donc, faut quand même faire attention à ce niveau-là. C'est ça, dans le fond. Puis, qu'est-ce que ça change au final, que ce soit un choix ou pas? C'est surtout ça la question. Laissons-les vivre. Puis, c'est possible, dans le fond. Quelqu'un qui veut vraiment, qui adore, qui a une admiration pour la communauté homosexuelle dès l'enfance, ou qu'il y a des modèles, mettons, il y a des modèles dans son enfance, dans sa vie, des idoles qui finalement sont de la communauté homosexuelle et qui n'ont pas juste une homosexualité, mais qui ont aussi tout certains traits culturels qui viennent avec souvent. Donc, mettons quelqu'un qui veut s'identifier à ce genre de personnes-là, pourquoi ne pourrait-il pas décider à un moment donné de s'intégrer au milieu tranquillement et avec, en tout cas, Les encourager ou les soutenir, c'est ça que je comprends pas. On se fait tout le temps reprocher, tu sais, quand on encourage, que ce soit d'autres races, d'autres... peu importe, tu sais, on se fait tout le temps dire, ouais, mais t'es même pas dans cette communauté-là, comment est-ce que tu peux les encourager? Les soutenir, c'est quoi le rapport? Oui, mais en même temps, j'ai un petit peu de difficulté, mais je comprends la notion de soutenir que les LGBTQ+, et ainsi... trois petits points. C'est ça, exactement, trois petits points. Par contre, on devrait pas avoir à le faire. Non, c'est ça. C'est de normaliser ça avec le temps. Normaliser pour que ça devienne plus un événement quand quelqu'un sort de la garde-robe ou peu importe. Mais tu sais, on en parle tellement de soutenir. Ouais. Mais je devrais pas avoir à les soutenir. Faudrait pas, mais... Bien sûr, c'est ça. Ça, c'est un débat, même dans la communauté LGBTQ+, en tant que telle. Est-ce qu'il faut vraiment... Je te soutiens-tu parce que... T'es une blonde, tu sais, je sais pas, ça revient à la même affaire. Non, j'en ai pas. Non, je sais, mais tu sais, c'était un exemple, c'était pas le tout à toi, mais tu comprends, on dit pas aux homosexuels ou plus. Ouais, je comprends. Soutenez-nous dans notre hétérosexualité. Là. Non, mais nous autres, on est dans la normativité déjà à la base, alors qu'eux, c'est pas encore normalisé. C'est devenu une normalité. C'est ça. Ben exactement, tout à fait. Dans 5-10 ans, peut-être que ça va être rendu ça. Un exemple concret de ce problème-là, ce serait le défilé de la fierté gay. C'est un débat dans la communauté homosexuelle aussi, là, LGBTQ+, en général aussi. Est-ce qu'il faut se mettre à célébrer ça, puis toujours à se défendre, à toujours être sur la défensive, puis être aux aguets? Au moment donné, il faut comme s'intégrer, devenir comme normal et toujours comme aller un peu de soi. Il y a des gens qui sont contre là aussi parce qu'ils veulent garder une entité comme... Parce que ça annule leur mariage si le mariage existe, mettons. Ça minimise le leur. Il y a des gens qui voient la communauté LGBTQ+, un peu comme une sorte de groupe, d'une communauté un peu militante ou quoi que ce soit. Donc, qui ont un agenda derrière eux. Il y a des positions alternatives là-dessus. Donc, mais c'est quand même moi, je suis quand même pour l'idée que ça devrait aller de soi éventuellement. Mais je sais pas trop à quel point il faudrait normaliser ça. Le débat est ouvert. Mais en tout cas, pour la notion de choix, c'est ça. Donc, tout ce que je voulais dire là-dessus, c'est que, évidemment, il y a des prédispositions puis des déterminations culturelles, mais à un moment donné, s'il y a une part de choix puis d'autodétermination là-dedans, parce qu'on est bien autodéterminé un petit peu tout le monde, donc qu'est-ce que ça change? Puis c'est possible, non. Mais ça change absolument rien. Puis pourquoi, dans le fond, dans la gauche, on critique le fait que c'est pas que ce soit un choix, on dit que c'est pas vrai que c'est un choix? Mais parce que dans les discours de droite, souvent, quand on dit l'homosexualité c'est un choix, ça sous-entend d'autres choses. Ouais. C'est pas juste dire l'homosexualité c'est un choix, point, c'est pas ça. Ça se limite pas à ça. Des fois, c'est dire que les homosexuels auraient pu être autre chose et auraient dû être autre chose. Mm-hmm. C'est ça que ça sous-entend le discours de droite. Puis en disant l'homosexualité c'est un choix, des fois, c'est ça que les gens. C'est la plupart du temps, c'est ça que les gens de droite veulent dire, n'est-ce pas? Donc, c'est ça en fait qu'il faut condamner. Puis quand la gauche dit tout le temps l'homosexualité c'est pas un choix, c'est un choix d'argument assez intéressant, mais qui est quand même limité. À un moment donné, je pense qu'on évite un peu le cœur du problème. C'est Puis le cœur du problème, c'est un peu de dire « so what » à un moment donné. Oui, ouais, c'est exactement. C'est le « so what » qui est important. Là. Même si quelqu'un est vraiment hétérosexuel, déterminé, puis, mais quand même décide de devenir homosexuel pour l'essayer. Tu ne deviens pas homosexuel pour autant. C'est tu ça. Tu essaies quelque chose. Ouais, tu penses c'est pas ça. Que comment dire... Ouais. Ton statut change. Ouais. Ou même si tu fakes l'identité d'homosexuel, ouais. Ce qui peut sembler un petit peu, qui peut manquer de sensibilité un peu pour d'une certaine manière, mais imaginons que c'est possible et que c'est puis que ça serait acceptable, ben on devrait accepter ça quand même. J'avoue que c'est un bon pourquoi? Point, ça. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que ça change qu'on décide de choisir notre orientation sexuelle ou pas? C'est pas ça le cœur du problème. Puis pourquoi, d'où ça vient, ce discours-là, que l'homosexualité, c'est pas un choix? Moi, j'aurais tendance à dire que ça s'éracine dans la culture américaine. Mm-hmm. Je trouve que peut-être les motivations qui ont été là à la base, c'est de dire, ben voyez-vous, les homosexuels, s'ils sont comme ça, ben, c'est parce que c'est inévitable. On aurait bien voulu que tout le monde soit normal, entre guillemets, mais les choses étant telles qu'elles sont, il faut les accepter comme ils sont. C'est la religion, en fait, qui en a fait une exactement. Problématique. Mm-hmm. C'est exact. Ça. Parce que en Amérique, c'est extrêmement religieux. Mm-hmm. Puis la gauche chrétienne, comment elle peut accepter ce genre de choses-là? C'est en disant que c'est pas un choix. Ouais. C'est en disant que c'est inévitable. Puis moi, j'ai l'impression qu'une... Ben, en tout cas, c'est une hypothèse. Là. C'est vraiment juste une hypothèse. Mais peut-être que ça vient un petit peu de là aussi, ce genre de discours-là. Donc, mais il faut passer par-dessus ça à un moment donné puis dire que même si c'est un choix, c'est pas... Puis, enfin, je veux pas dire que c'est un choix, là. Faut que je pèse mes mots, n'est-ce Pémol, pas, ici? Oui, oui. Mais même si ce l'était, ce serait pas grave. C'est ça qui est important de savoir. Voilà. C'est bon. Tu sais, exactement, ouais. Tout à l'heure, quand je disais, tu sais, on devrait pas avoir à soutenir... soutenir le bonheur de n'importe qui. Tellement. Tu sais, comme, si t'es heureux, tant mieux. Ouais. Si tu l'es pas, là, je vais te demander pourquoi. Ouais. Tu sais, mais... ça devrait pas avoir à obtenir du soutien quelconque, c'est juste ça devrait juste être correct. Je prends souvent cet exemple-là et encore, je ne voudrais pas qu'il y ait d'amalgame entre les deux, là, ces deux sujets complètement séparés, mm-hmm. mais disons quelqu'un a une maladie, mm-hmm. ce qui est séparé de ce qu'on vient de parler. Ce serait bien le fun de pas avoir à les soutenir parce qu'il y en aurait pas de cette maladie-là, mais il y en a. Fait qu'il faut soutenir, je trouve. Mais aucun amalgame. Moi, je trouve que c'était un exemple intéressant qui n'est pas lié au truc nécessairement. Absolument pas. Mais par contre, le parallèle, c'est pas un parallèle, mais ça dans la tête de certaines personnes. Dans la tête de certaines personnes, par contre, ça aurait pu l'être. Puis on parlait de la gauche chrétienne, n'est-ce pas? Puis peut-être, en fait, qu'il y a eu des choses comme ça qui se sont dites. Puis moi, ça m'a emmené à la question à un moment donné, mais est-ce que toujours insister sur le fait que c'est inévitable l'homosexualité, est-ce que c'est pas un petit peu... c'est pas comme des présupposés homophobes, des fois, à ce niveau-là, dans le sens où c'est quelque chose qu'on aurait voulu éviter dans un monde idéal, mais qu'il faut accepter. Tu sais, je trouve que... Faire des accommodements. C'est ça. Hein. Mais c'est pas parce que tu dis qu'on est complètement déterminé puis que c'est pas un choix que nécessairement tu as des présupposés homophobes. Je veux pas dire ça non plus. Non. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ce genre de discours-là, souvent, j'ai l'impression que ce genre de présupposition homophobe-là peut des fois être sous-jacent puis qu'il faut faire attention à ça peut-être. Et peut-être comme arrêter d'insister un petit peu sur la notion de c'est pas un choix, puis peut-être s'intéresser vraiment au vrai problème, c'est-à-dire l'acceptabilité de la chose. Exactement. C'est beau. Oui, c'est voilà. Vrai. Donc c'est ma conclusion. C'est une belle morale, mais tu vois, on a énormément de temps devant nous, donc je vais te poser une autre question. Si mettons la liberté de vivre, devrait-elle... Dans le fond, je veux savoir qu'est-ce que tu penses des gens qui veulent pas vendre des petits gâteaux à des couples qui se marient et qui sont gays. Ah, OK. Est-ce c'est quand même la liberté en tant que telle de vivre et la liberté, malheureusement, de pas vouloir vendre quelque chose à quelqu'un à cause de leur sexualité? Est-ce que c'est quelque chose qui devrait être donc acceptable, malheureusement? Bon, il y a deux choses. La première, c'est que le problème vient que c'est une entreprise privée. Ouais. Ouais. Mais évidemment quand c'est quelque chose de public, le problème ne se pose pas. Évidemment. Parce que si c'est public... Tout le monde paye pour. Hein? C'est quelque chose de collectif. Fait, on n'est pas supposé... Même si tu es un fonctionnaire qui a un problème avec l'homosexualité, tu peux pas comme refuser un mariage gay, par exemple, légalement. Il faut que tu le fasses. Tu es obligé. Puis, si, mettons, s'il y avait une entreprise publique de gâteaux, tu devrais accepter qu'il y ait que les homosexuels aient un gâteau. Ouais, Gâteau Canada, c'est ça. Bon. Un problème vient du fait que c'est une entreprise privée puis que c'est une initiative individuelle. Non? Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça à un moment donné? Moi, je pense que l'entreprise privée est dans un espace public. quand même, même si c'est privé. OK, je comprends. Puis à un moment donné, il y a certaines responsabilités qui viennent avec ça. Si peu importe tes croyances par rapport, même si t'es islamophobe ou même si t'es pour... même si c'était pour, je sais pas moi, le fait qu'on recommence les croisades dans, en Terre 5, là, t'es pas nécessaire. Tu dois pas partir en guerre contre les musulmans ou les juifs, là. Non, mm-hmm. pas du tout. Puis tu dois les accepter quand même dans ton commerce, même si t'es contre eux autres. Donc ça a aucunement rapport. Puis même, c'est complètement barbare comme croyance, là. Ouais. Il y a des croyances à un moment donné qu'on doit pas accepter. Puis c'est aussi la question des accommodements raisonnables à un moment mm-hmm. donné. Par exemple, est-ce que tu as le droit de déterrer... Il y a des pratiques religieuses, des fois, qui font ça, déterrer des cadavres pour célébrer avec eux, là, un court instant et les réenterrer. Mais ça, c'est pas... dans nos sociétés, c'est pas tant... Il y a des problèmes de célébrité avec ça. Weekend chez Bernie, c'est basé là-dessus. Bon. Fait que, on veut-tu faire ça? Ben non, on veut pas faire ça. Fait que des fois, les croyances ont des limites dans l'espace public. Puis moi, je pense que c'est la même chose avec les entreprises privées. Si tu veux faire une entreprise privée, puis que tu veux comme établir un commerce, ben tu vends ça à... tu fais face à la communauté, puis tu dois être égal avec tout le monde, puis tu peux faire de discrimination. Mais c'est ça, il existe, il doit de toute façon exister des chartes des entrepreneurs ou chartes commerciales, peu importe, comme on a ici... la défense des consommateurs, exactement. Mais oui, c'est sûr, c'est une entreprise privée, c'est une initiative individuelle, puis tu as l'impression que ça brime les libertés individuelles. Mais dans le fond, si tu fais une entreprise, tu dois te soumettre à ça. T'es comme lancé dans l'espace public, puis tu n'as pas le choix de te conformer à ces choses-là. Puis un bel exemple pour nous en convaincre, c'est les quotas de discrimination positive, par exemple. Dont on parlait il y a quelques semaines. Ouais. Imaginons que tu es... je sais pas, moi, je nommerai pas de religion en particulier, là. Peut-être quelqu'un de très, très religieux, vraiment très, très radical et intégriste. Tu crois que les femmes devraient pas être dans... Mais tu mentionnes pas de... Ouais. C'est parfait. Tu crois que les femmes devraient pas être, devraient pas travailler puis devraient rester à la maison. Puis ça, c'est des croyances religieuses. Bon. Mais mettons que ça, c'est vrai. Ben, pas que c'est vrai que les femmes devraient rester à la maison, là. Mais mettons que tu crois ça. Ben, vas-tu nécessairement comme être exempté des quotas, par exemple, qu'on pourrait imposer au niveau de l'embauche des femmes? Mais non. Il faudrait que tu embauches des femmes parce que tu es une entreprise privée qui fait partie de la société, qui doit te conformer à ces quotas-là. Ouais. Donc, à un moment donné, donc, si ça, cet exemple-là est vrai, alors moi, je le transposerais aussi au niveau au cas des gâteaux, je dirais. Ben, dans le fond, à ce niveau-là, tu dois te conformer aussi aux valeurs collectives qu'on a. Mm-hmm. Puis tu ne peux pas faire de discrimination non plus. Donc, tu dois offrir le service. Tu peux offrir le service, tu dois le faire. Mais moi, comme couple, je me demanderais est-ce que je veux vraiment leur gâteau? Ben, ils sortiraient dans le pied eux-mêmes, en fait. Ils vont avoir de la mauvaise... T'sais, on dit tout le temps, un client satisfait parle à un autre client, c'est tandis vrai. Qu'un client désatisfait. Mais de l'autre côté, ils vont avoir vraiment de nouveaux fans dans la droite américaine. Ben, ça qui arrive. Ah, ils sont là pour moi, mes héros qui empêchent l'agenda homosexuel. Ben, ça dépend, t'sais, parce que, mettons, si on était au Québec puis qu'on était dans la loi du consommateur, peut-être qu'il aurait pu porter plainte et peut-être que le commerce devrait payer une amende. Ouais. C'est peut-être ça qu'il faudrait. Ben, c'est ça, parce que souvent, je pense qu'il faut de l'intervention publique là-dedans, puis des lois, parce que si tu te mets à vraiment à te fier sur l'approbation du public, à un moment donné, tu auras toujours, mettons, une certaine niche qui va être de ton bord, celle qui est malheureuse un petit peu. C'est ça, on a bien beau parler contre les règlements ou dire qu'on devrait pas, que le gouvernement devrait pas s'occuper de ci et de ça, mais c'est que c'est si ça. C'était pas le cas, ben des fois, la majorité ou la minorité qui crie plus fort l'emporterait malheureusement. Exactement. Puis les minorités d'extrême droite, là, ils sont là, puis ils sont là pour rester malheureusement. Ouais. En Autriche, tout récemment, je compte du temps, je vais en parler tout seul. Je t'ai dit qu'on a tout le temps devant nous. Ben c'est ça. Mais en Autriche, là, ils viennent de faire un gouvernement de coalition entre la droite puis l'extrême droite. Ah, un beau petit mélange, la droite et l'extrême droite. Hein? Un gouvernement de 13 ministres de droite, dont 6 qui sont du parti d'extrême droite. Puis ce parti d'extrême droite-là, c'est grave, là, parce qu'il avait été fondé par des ex-nazis. À l'époque. Donc, c'est vraiment quelque chose de grave. Ils pensent que l'immigration, c'est un envahissement de masse. Donc, à un moment donné... c'est ça, il y a toujours un danger, puis il y aura toujours de... pas toujours, là, j'espère à un moment donné ça va changer, mais les minorités un petit peu intolérantes, très, très intolérantes en tout cas, ça va exister, fait que des fois, il ne faut pas trop se fier au bon sens des gens, parce que des fois, le bon sens prend le bord. Et voilà. Voilà. Bien résumé tout ça. Merci beaucoup. Ben merci à vous. Colin, que c'était une bonne chronique, comme toujours, Jimmy Thibodeau, qui va être de retour avec nous, j'espère bien, en 2018. Ah, ben oui, avec plaisir. Génial, c'est bon ça. Jimmy, c'est bon. Oui, ben c'est ça qu'on aime faire des fois. On te retrouve l'année prochaine. Dernière chronique donc de la session, cette fois-ci, Encore une fois, une discussion enlevante. Vous écoutez Assemblage Ricky, édition week-end. Assemblage Ricky pour toi aujourd'hui. Vous écoutez Assemblage Ricky, édition week-end. Avec Tania Baudin et Mathieu Plante. Eh ouais. Allô, mais là... Qu'est-ce que tu regardes? J'ai regardé... Mettez en contexte, notre auditeur moyen, Marc Lachance, est crampé bien raide sur ton Facebook. J'ai regardé une vidéo d'Arbre de Noël, là, qui pogne en feu. Ah, mais t'es pas supposé rire de ça, c'est des gens qui sont peut-être morts. Marc, il est parti en rire de façon incroyable, puis là, on arrête plus. Là. Marc, t'as pas dormi de la nuit, c'est ça? Non, mais non, c'est vrai. C'est sûr que non. Non, non. Ouais, OK. Genre, j'ai fini ma fin de session. on va se dire, j'ai célébré un petit peu. T'es lendemain de veille. Mais non, pas tant que ça. Non? Non, non, non, j'ai un rendu professionnel à faire ben oui. ce matin. Fait que, sauf que... un arbre qui prend un feu, c'est la chose la plus drôle qu'il a jamais fait. Surtout le matin. Parce que c'est vraiment... En fait, ça tombe bien dans notre thématique de survivre aux parties de Noël. C'est de ça qu'on parle avec toi, Marc Lachance. C'est la chronique de la folerie humaine, la chronique Nounoun. Oh oui, Nounoun, c'est Nounoun. Ça. On se rappelle avant une petite seconde que être Nounou, c'est être un peu stupide. Ouais, c'est ouais. être con. On l'a défini mais la dernière fois. Mais charmant un petit peu quand même. C'est ça, c'est être charmant, c'est être authentique surtout. Soi-même. Mm-hmm. C'est ça, être soi-même, c'est ça. Fait que ça se différencie de plusieurs autres termes qu'on avait définis. De saut, imbécile. Ouais, et ouais. Fait que c'est vraiment le côté attachant qui nous fait ressortir. Puis on l'a dit que c'était dans la façon de le dire. C'est nounou. Ouais, c'est ça. C'est donc mais nounou. Puis il y a quelque chose dans le mot qui roule en bouche qui fait que c'est. Nounou. Ah, c'est nounou. Nounou. On aime ça. C'est ça. Fait que survivre à un sapin de Noël mal hydraté, c'est ça. Ça peut être quelque chose de nono. Comment est-ce que tu survivrais à ça si le feu est pris dedans puis que t'as pas de bicarbonate de soude? Hey, vois-tu, genre... Dis-y pas. Pour vrai, ça doit être triste, hein? Ben, clairement. Parce que tu sais, avec, mettons, t'as de l'huile qui pogne en feu sur le rond, tu vas mettre le couvert dessus, c'est ça? Pas de couvert pour aller sur le sapin, tu sais. Ouais, non. Mais de un, ça pogne en feu, ça... Sur un méchant temps. Ouais, ouais. Ça t'avertira pas avant. Non, attends un peu, je vais pogner en feu. C'est genre, t'as à peine le temps de sortir de chez vous. Là. C'est ça. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, après, OK, pensons pas au cadeau en dessous, mais pensons à l'esprit qui brûle en même temps. L'esprit qui brûle de Noël? C'est l'esprit de Noël qui s'en va. Ah ouais, okay. Ouais. Puis t'as pas brûlé devant tout le OK, faites attention, pas de sapin de Noël avec les plats de fondue. Oui. Faites attention si votre cadeau, c'est genre un pneu. Un pneu. Une poupée gonflable. Ou des affaires de même. Ça pogne ça aussi vraiment vite en feu. Ouais, puis ça a une certaine valeur. Une certaine valeur, oui, c'est ça. Exactement. On collectionne des pneus. Certainement. Aussi. Oui. Cessons de dire ces petites niaiseries, ces folleries par rapport à ce post Facebook qui fait vraiment rire. Qui nous fournit du contenu ce matin. En fait, aujourd'hui, c'est ça. C'est de survivre à des parties de Noël qui sont autant de votre famille, de votre belle famille, que de vos parties de Noël de collègues. De job. Ou même d'école. Des fois, il y en a qui vont peut-être finir leur session avec un petit party de Noël interne c'est à leur gang. Ça aussi. Fait que c'est quand on vit des moments malaisants, on peut y survivre en étant stupide et honnête. Et honnête. En étant nono. En s'assumant là-dedans, ouais, en disant, mon gars, j'ai gaffé, j'ai dit la mauvaise affaire, c'est le même, je suis le même. Un peu, ouais, c'est ça. Fait que... Mon premier truc va avec... c'est presque un truc de vie. C'est presque un truc de vie. Dans les parties de Noël, on croise souvent des gens dont on se rappelle plus l'âge. Oui. Oui. Ou du nom ça, dans mon cas. C'est ça. Le nom, tu peux t'en sortir en... En le présentant à quelqu'un que tu connais de toute façon c'est telle personne. Moi, je présente. Je viens de dire un. Ah ouais, ouais. Ah oui, c'est bon, c'est ça. Ah oui. Tu sais, ça arrive un moment de. Ah, j'ai trop appris de trucs durant ma fin de session. Ou j'ai eu un rush de boulot avant. Ouais, c'est ça. Fait que Fait que là, je me rappelle plus de ton nom, tu sais. Boulot, c'est l'arbre qui pogne en feu, je pense. C'est ça, c'est un boulot. Ouais, c'est. mais bref, si tu te rappelles plus de l'âge d'un collègue ou encore de ta cousine, puis tu te rappelles plus, tu sais, puis tu trouves ouais. qu'elle a changé énormément. Ça, c'est juste un cadeau pour les ouais. 16 ans et plus, mais elle a 8 ans. Ouais. Y a-tu un cadeau pour les 16 ans et plus, je pense. Là, tu découvres que t'es dans la bouette, là. Oui. J'ai un truc pour vous. OK. Et c'est vraiment étrange, mais. J'ai remarqué que dans la vie, on peut trouver l'âge de quelqu'un ou du moins son range, son niveau sur Tinder. D'âge. Ouais, non, son... non. Oui, en espérant tomber. C'est une blague, c'est une blague. Tu peux trouver le à peu près l'âge que la personne a en regardant son pli de coude. Son pli de coude intérieur. Extérieur. Parce que c'est pas un pli extérieur. C'est sûr que de moi, tu vas passer, j'ai 195 ans. Oui, c'est sûr que les personnes qui nous écoutent font comme Ils essaient de se checker le pli de coude, ils sont pas capables. Mes coudes sont tellement, genre, secs. Ben, c'est ça. OK, voilà. On arrive justement à point, OK? T'es sèche, Tony. Ouais, non, mais. T'as comme plusieurs niveaux. À 25 ans, tu tombes sèche du coude, man. T'as comme plusieurs niveaux à ton pli de coude. OK. Vous voyez comment c'est nono. Je sais pas. OK. Fait que, mettons que tu te rappelles plus de l'âge de quelqu'un. Okay. Puis, ça peut se définir par, mettons, un pli de coude qui est lisse. OK. T'sais, fait que là, il est jeune. Ouais, ouais, ça, c'est okay. quelqu'un de vraiment jeune. Mais si tu lisse, faut-tu qu'il soit plié ou déplié? Déplié, ça va mieux. Ah, mon Dieu. OK. Ben là, je suis plus lisse, là. Ah non, c'est ça. Déplié, on ça... On est tous là, au studio. Ouais. Tu veux cacher ton âge, genre... Hein? Cache tes cernes, cache tes... Ouais. Cache tes coudes, rides, cache... Mais cache tes coudes. Ouais, porte des manches. Clairement. Ce serait pas plus simple de juste chopper le bras puis regarder les ados dedans comme un arbre. Comme un arbre. Ben, en fait ça devient un de mes trucs. Genre, après ça... T'as le niveau lisse, là, quand, mm-hmm. quand t'es jeune, quand t'es un enfant. Ouais. Quand t'es un enfant. Tu sais en voyant la personne que c'est un enfant. Pas ouais. Mais quoi si l'enfant, il s'est râpé le coude? Ouais. Ah, mais là, tu vois que c'est une blessure. C'est Benjamin Button. C'est ça, ou Mathieu, l'année dernière, il a fait du patinage artistique sur la glace, puis il s'est planté. Mais je suis cassé le bras, j'avais un plâtre. C'est ça. Tu sais, il y a un plâtre, tu peux pas voir. Est-ce que les deux coudes sont pareils? Oh! Non. Non, hein? Tu sens la texture. J'en ai un plus lisse que l'autre. Écoute, dans ce temps-là, c'est le moment de faire des blagues de « Hey, mon Dieu, ton pli de coude est sec! »« Hey, t'es donc bien jeune de la droite. » C'est vraiment rugueux de la gauche. C'est comme un joyeux mélange d'entre deux. C'est ça. C'est rugueux, tu sais, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, tu sais. C'est ça, entre deux, va pas commencer non, à regarder si c'est rugueux dans non, le... Non, c'est ça, dans l'entre deux. Dans l'entre deux. Mais en fait, ce qui trahit vraiment notre âge, ouais. c'est autant le fait d'avoir le pli coude sec que d'avoir des plis. Ah ouais, avec ouais, l'âge, là, il s'ajoute des petits plis. Ouais. Et c'est des vrai. Mentons, des fois, aussi. Des petits doubles mentons. Plusieurs mentons, ben ouais, c'est ça. C'est aussi, exactement. C'est une question d'âge et de poids. Ah, mais tu sais, il y a des enfants qui en ont des triples mentons. Là. T'as raison, Honey Boo Boo. Honey Boo Boo. Yes. Et sa mère, June, Mama June. C'est aussi, c'est un gros party de famille, là, parce que c'est co-sanguin. Oh, en fait, Tania, tu l'as ouais. nommé. Le... Ah, j'ai nommé quoi? Tinder? Non. C'est un peu comparatif. L'âge, selon le pli de coude, c'est ouais. un peu comparatif à... comparable à un arbre. Ouais? Ouais. OK. Ouais. Ouais. Okay. Ouais. Genre, quand on coupe une bûche, mm-hmm. tu peux regarder... Ouais. Je pense que c'est les cernes que ça s'appelle. Les cernes? Ouais. Ah, je pense que ça pas. S'appelle le même. Ah, les ouais. cernes d'un arbre. C'est compter comme la l'âge. Toilette, ta toilette aussi, tu peux compter les cernes. Pour savoir combien de temps ça fait que tu l'as pas lavé. Hein? C'est ça, exact. Si le niveau de l'eau est tout le même. Je coupe Marc à toutes les opportunités. Oh, mon Dieu. Il nous a dit qu'on pouvait intervenir. Oui. En fait, c'est une discussion. C'est pas dans libre. Quoi tu t'es embarqué. Non, c'est parfait. C'est ce que je veux. En fait, c'est ça. Tu peux compter l'âge de quelqu'un selon... Les selon plis. Selon ses plis. Oui. Comme un cerne d'un arbre. Faut-tu que tu ouais. comptes les plis? Oh! Tu fais juste les observer? Non, tu fais juste les observer. Okay. Ça devient deux du vécu. Ans, sinon? Oh, quoi que c'est peut-être par dizaine. Par dizaine d'années. Ouais. C'est dans vingtaine. Ou par douzaine, puis c'est du sang américain. Là, sachez que c'est un bel outil. Ça peut servir pour savoir si ton collègue ou ta collègue a 30 ans ou 45 ans, ouais. 50 ans. Mais. Ou s'il s'hydrate bien, tout court. Ou s'il s'hydrate bien, tout court. La semaine, la petite crème, tout court. Mais personne ne pense à aller se mettre de la crème, là. Fait que, hein. C'est cool. Ben, moi, clairement, je parle juste d'un bar. Tu vieillis vite d'un bar. Ouais, c'est ça. Puis, sachez juste que je tiens un avertissement pour les gens à la maison. Ça peut pas servir pour te rappeler de l'âge de tes parents. Ah! Oh. Il y a ce petit moment-là où est-ce que ça arrive. Là, c'est vrai, On sait que nos parents ont 52... Quel âge ma mère a là? Tu peux jouer au jeu qu'il y a sur Facebook souvent. Là, c'est genre, prends l'année de ta naissance, ajoute telle affaire, divise par affaire, puis là, ça redevient comme l'âge de la personne. Genre. Ah ouais? Tu sais, il y a comme un jeu, tu peux comme faire... Prends ton année de naissance, puis soustrais... Là, tu ça, c'est comme après. Déterminer l'âge avec la plus jeune personne avec qui tu peux avoir une relation sexuelle. C'est exactement ça. Joue à ça. Veut pas... Ouais, c'est quoi? C'est divisé en deux plus... Divisé en deux plus sept. Ouais. Okay, puis ouais, le ouais, plus ça, vieux, ça, c'est... Ça. On peut-tu ne pas jouer à ça? Multiplié par 10, moins 7, c'était ça? Hein? Plus 10, moins 7 ouais, pour le peu, plus là. Vieux. Divisé en deux, moins 7. Plus... Pourquoi tu ferais plus 10, moins 7? Pourquoi tu ferais pas plus 3? Ouais, si, il y a ça. Fort quand même, le gars. Écoute, c'est pas moi qui ai créé la règle, OK? Écoute, en tout cas, vous savez que vous pouvez faire des mathématiques pour savoir avec qui vous pouvez coucher. Exactement. Ben oui. Ah, j'adore. On n'a pas dit pendant un parti de Noël. S'il y a une pièce appropriée pour ça, avec les manteaux. Ah, sur les manteaux. Sur les manteaux. Tantôt, on avait la chanson Love Over Money. Là, c'est Love Over Manteau. Love Over the Manteau. Love Over Coats. Passons maintenant vers une autre problématique qui peut sortir. Un autre problème, pardon. C'est les photos de famille. Ouais. Ah, ben oui. Prendre une photo, c'est malaisant. Ouais. En tout cas, du moins, ça nous fait souvent vivre un malaise, à moins que t'aimes vraiment ça. Ben, c'est le fait à moins que t'aimes vraiment ta famille. T'aimes vraiment ta famille ou il y a vraiment un concept cette année. Mm-hmm. Ta tante est arrivée préparée. Ta mère, en fait, est arrivée préparée aussi. Ou un collègue fait comme « Hey, yo, on prend... une photo. Ouais, on prend une photo puis on se prend pour des reines ce matin. » Ouais, c'est ça le concept photo. OK, yes. Okay. La reine d'Angleterre. Des reines au nez rouge. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, à moins d'avoir un beau concept, tu sais jamais comment te positionner. Ouais, c'est vrai. Position à avoir, puis il y a tout le temps quelqu'un qui regarde pas à bonne place. Ça, il y a tout le temps le classique aussi, la photo autour de la table en train de manger pendant l'air. Ouais. C'est lourd. Ouais, c'est très, très lourd. Mon truc pour s'en sortir, c'est va à la salle de bain. C'est presque ça. C'est très simple. Quand. Faut que vous pensiez au fait que quand on vous voit. Pas. Mal. Ouais. On vous remarque. OK. Ah, OK. Fait qu'il faut être entre deux personnes, genre, Faut vraiment... En fait, c'est... Si t'es dans le cadre photo, puis que la personne prend la photo, puis elle te voit pas bien, elle voit que t'as les yeux fermés, ou t'es comme dans le cadre extérieur, parce que tu veux pas trop paraître, on te voit pareil. C'est là le pire moment. Donc, le truc, c'est... Mets-toi au milieu. Non. Mets-toi une petite boule. En dessous de la table avec le chat. En dessous de la table. Eh oui. Quelle bonne idée. En dessous de la table. Tu sais, tu apparais durant que la personne fait comme, hey, on va prendre une photo. Ok tout le monde est prêt. T'en vas te placer dans le groupe. Ok, tout le monde est prêt. Trois. Là, tu fais comme, je vais attacher mon soulier. Tu glisses en dessous de ta chaise très subtilement. C'est ça, ouais. Youp. Ah, j'avoue. Exactement. Très bonne exactement. Idée. Ouais. Tu vois, je sais pas si vous avez d'autres trucs pour ça, mais pour vrai, c'est le truc qui fonctionne le plus. Ben, pour vrai, moi, je pense que si, mettons, les gens sont tous en rangée sur le côté de la table, tu te mets à peu près à l'angle de la personne devant toi pour qu'on voit pas vraiment ta face. Rappelle-toi que si tu vois pas le photographe te voit pas. Oh! Ding, ding, ding! Yeah. C'est exactement ça. Exact. Ou sinon, ils vendent des casquettes qui sont comme réfléchissantes. C'est pour les vedettes, pour pas qu'elles soient photographiées par des paparazzis. Mm-hmm. Ah, ça fait un gros flash lumineux dans leur photo à la place. Ah, ouais. Fait que tu vas voir tout le monde clair, sauf autour de toi un genre de halo. Tu sais, genre ta cousine va être super bien habillée, mais elle va avoir une casquette fluorescente à la tête. Pose-toi des questions. Pas pire. Puis, au final, tu sais, si tu rates ta photo, c'est pas si grave que ça. Mais non. Il y a toujours l'excuse, l'ultime excuse qui est « Je vais faire une photo folle ». C'est ça, ben oui, un doigt dans le nez, un finger, quelque chose comme ça. Blackface. Finger, c'est ta photo de famille, Noël. Mets un blackface, c'est sûr qu'elle ne mettra pas sur Facebook. Dans un party de famille, ou surtout dans un party de job, ouais. Tu peux être la personne qui s'assume comme étant Moi, je fais la photo. Ouais, c'est ça. C'est vrai, c'est vrai. T'as le droit. Si les autres, les pires sont sérieux, sont plates. Ouais, t'es bien, puis tu ris. Fait que le fait de faire une photo folle, ça c'est l'autre truc qui est comme méta-truc. Là, oh, okay. Oh ouais, c'est vraiment loin, là. C'est, tu fais une photo folle, puis au pire, t'as fait un peu avant, sans, tu sais, psychologiquement, tu fais comme « Hey, on va faire une photo folle, tout le monde trouve ça drôle. Okay. » Puis c'est comme « Ah non, on va faire une belle photo clean. » Là, tu sais pas trop comment sourire, puis tu fais comme « Ben, moi, je vais le faire pareil. Ouais. » Fait que là, tu trouves ça drôle, ouais. Tu fais une face de pandémie, nono, mettons, ben ouais, là, de nono. Là, tu te trouves drôle. Fait qu'après ça, t'es prêt pour la photo. Ouais. C'est vrai, bonne c'est idée, vrai. Ça. Fait que te dire que tu fais une photo folle quand tu fais une photo sérieuse, ça marche. C'est ça. On aime ça. Dans le temps, on aurait pu dire, genre, enlever la petite bobine dans l'appareil photo de la personne. Oh. Comme ça, il va prendre des photos oh. dans le beurre. Mais ça n'existe plus. Oh. C'est plate. Ouais. Je suis le même. Mais à ça, c'est genre... Tu te faufiles, tu vas hacker son téléphone, tu vas mettre un filter. C'est ça. Ou tu branches le fil USB dans l'ordi, ah, tu vas vider ouais. l'appareil photo. Ouais, c'est après. Ça. J'avoue. Ouais, ça va être compliqué. C'est difficile. Un petit peu difficile, ouais. je trouve. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée quand même. On a un gros problème par la suite. Qui ah est ouais? Le pogne bajou. Le pogne bajou. Ah, ça, là, les matantes. Ah, les matantes. Ah, oui, t'es donc bien grandi. Blablabla. Exactement. Ouais. Mm-hmm. Je mords quand ils font ça. On les a nommés, en fait, le pogne bajou, le t'as donc bien grandi. Puis quand est-ce que tu fais un petit test? Voilà. Regarde, vois-tu, avec ça, c'est une problématique ouais, en soi. Exactement. Parce que le pogne bajou, c'est une thématique de problème. Elle s'appelle Linda. C'est ça. Fait que le pogne bajou, il y a pas beaucoup de manières de s'en sortir. Ouais. Il y a toujours les excuses de faire des tentatives d'exquise, de faire un gros entraînement de samouraï pour. Mais tu sais, ça demande beaucoup de préparation. C'est vrai. Le pogne bajou, en fait, le seul truc qu'il peut y avoir, c'est de se mettre de la petite moumousse sur. Moumousse sur les joues. Okay. Ou encore. Mais toute en fait, la vaseline, elle va glisser et ploup! Oui! Ou encore, regarde, on a nommé les plis de coude tout à l'heure. Oui. Mettez-vous de la crème à main. Ah, ouais, bonne idée. Sur, oui. Sur les joues. C'est moi, bon. J'irais avec du tac au tac. Pis toi, t'es bisexuel? Ah, oh, faites ta comme... Surtout, c'est rendu à un certain âge où on en a c'est plus. Ça. Non, mais ça, attends un petit peu. C'est nono, mais c'est. C'est pas humain, puis attention. C'est ça, non, c'est ça le seul problème. C'est ouais, mais c'est arrogant. OK. Non, fais-tu? Faites comme à la grande guignolée. À votre première matante, vous demandez un petit billet, j'ai déjà donné. Oh, wow. Tu lui montres. Oh, hey, j'ai déjà tout dit. Désolé, j'ai déjà eu mes bisous. Désolé. Sorry. L'année prochaine. j'ai déjà investi. C'est ça. Fait que voyez-vous, quand tu veux pas que les gens sachent ton vrai âge, ouais. tu mets de la crème à main sur, ouais, le coude, ben ouais. sur tes mains sèches aussi, on s'entend. Puis tu t'en mets sur les bajoux. Fait que ça slip and slide, ça glisse. Ça va moins bien pour une fille qui se maquille. Il y a moins par d'adhérence. Un peu moins d'adhérence, hein, ouais, c'est ça qu'on moins veut. D'adhérence. Ouais, moins d'adhérence. Mais t'as pas de crampons en face. Ou tu te fais, ouais, ou c'est ça, tu te fais un costume kitsch après. Oui, il vite tout le temps la question. Ouais, c'est comment, une bonne idée, comment? Ça. Tu peux pas éviter la question d'une matante qui arrive vraiment turn on puis qui fait « Hey, je vais te pogner des bajoux. » Ouais, t'sais. Non, ça c'est sûr. Là, moi, mes matantes, ils me pognent pas, ils jouent. J'ai ça, le monde grand dans ma bulle. Fait que... C'est ça, ils savent. Mais ils demandent tout le temps, genre, couple de questions. « Puis, comment ça va en travail? » Tu fais comme « Ah, oui, j'arrive, man, genre. » Ouais, c'est ça. « Ah, excuse, ouais. Chose, m'appelle. » Besoin d'un refill? Ça oui, j'ai. Avec la réponse. C'est ça. Et là, arrive le truc de « T'as grandi. » Ah ben oui. Ouais. Ben oui. Traîne un tape. Tu veux pour prouver que non. Que tu ratisses. En fait, le seul truc que j'ai trouvé qui est nono, c'est arrive avec des échasses. Ah, c'est bon ça. Ben oui, mais c'est sûr. Arrive avec c'est des vrai. Échasses. T'as vraiment, il y a une raison de le dire maintenant, et ça va les surprendre à un point tel. Avec des longs pantalons, pas que ça paraisse, c'est ça. Ben oui, il ben faut. Oui. Ou une longue robe. T'es juste de jambes. C'est ça. Mais tu sais, cette fois-là, ça va être vrai et tout le monde va rire. Tellement. Fait que là, tu règles plusieurs problèmes en même temps. La photo va être drôle. Tu peux pas te faire pogner les bajoux. C'est trop! Mais là, t'as de la crème dans deux des étapes, mais les échasses, y a pas de crème à mettre là-dessus. Ben ouais. Peut-être pour entretenir le bois. Non, mais c'est pas grave, la crème, c'est pas ça. c'est pas ça le but. Ah, je pensais que c'était ça le résumé de la colle. Mets de la crème! Mais là, après vient le. T'as-tu un petit chum? Ouais. Tu sais, t'as pas de petit chum ou tu nous présentes-tu ton petit chum? C'est ça. C'est quand t'en as un. Quand t'en as un. Oh boy. Malaise. On va se prendre un petit moment de célibat. C'est ça. Est-ce qu'on est... messieurs, on se garde un petit une seconde de silence radio. Oup. Ok, c'est beau. Okay. Est-ce qu'on est les trois célibataires en ce moment? Ben, en tout cas, je pense que oui. High five! Yes! On a fait la semblance. Ouais, ça vraiment. Dans les mains. Ouais, on est trop loin, c'est là. C'est ça, on est désolé, la radio. Ça peut pas fonctionner. Yeah. Ok. Transparence. Si t'as pas de petit chum... Encore une fois, des échasses. Amène-toi encore, une c'est exactement mon truc. Ah, hey, les on échasses. Que tu lis sur ma feuille. C'est l'enfer. T'as pas de petit chum, tu gardes... Dis-toi, t'es grand. Fait que... T'es grand, t'es grand. Tu te mets des échasses, ça règle aussi le problème. C'est ça. Mais amène-toi une poupée. Ben oui. Celle qui n'a pas passé au feu dans exactement. Ton sapin avec la poupée gonflée puis le pneu. C'est ça. C'est ça. Ouais. Puis après ça, viens les excuses de... Tu peux faire plein d'excuses à la blague de... Ben, j'ai pas d'argent pour y offrir un cadeau. Ça, parce ça coûte ben trop cher. Ouais, c'est ça. Ou je préfère t'aimer plus. Oh! C'est à toi que je demande. Oh, c'est beau. Là, ma tante, elle va aimer ça. Est-ce que tu penses que tu devrais t'inventer qu'un amoureux, une amoureuse en disant genre, tu es dans prison. Sa famille? Non. Dans sa famille à Noël, c'est ça. Non. C'est mieux. C'est clair, c'est ça. Je suis désolée. Dans sa famille, il pouvait pas venir. C'est sûr. Hein? Le truc vraiment solide, là, qui ça, c'est arrogant. Mais ça peut être quand même le fun. Je voulais pas vous voir. Non. Non, c'est... J'ai pas... T'expliques que t'as pas de petite chum ou de petite blonde. T'en as plusieurs. Parce que... Non, mais c'est presque ça. C'est... T'as pas de petite chum ou de petite blonde, là. C'est parce que... En fait, tu l'expliques en montrant l'application Tinder. Ah, ben oui. Swipe! Je l'ai choisi! Swipe de left, swipe to the right. Je magasine. C'est comme des cadeaux de Noël. Il y a Amazon puis il y a Tinder dans la vie. Fait que tu le montres ça, t'expliques ça à ta tante, toi, à ta grand-mère à la limite, là, tu sais, c'est le temps de. C'est encore assez nouveau pour qu'ils connaissent pas ça tout à fait. Ouais. C'est vrai. Tu leur expliques, tu leur montres. Puis, t'en choisis un au choix dans tes matchs. Puis là, tu leur montres les photos, puis tu leur dis qu'il ne pouvait pas être là. Exact. C'est bon. Oui! C'est merveilleux, ça. Fait, puis tu remercies évidemment le gars ou la fille après sur Tinder. Oui. Merci, t'as été. D'avoir participé à ça. Puis après ça, ça te plug mieux. Ouais. Puis ils vont savoir. Tu peux faire un super match facile avec ça. Super match. Vraiment? Vraiment. Moi, je suis d'accord. Et tout ça avant même que Salut Bonjour leur ait montré. Tu sais, comme, hey yo, je veux pas paraître d'un freak, mais je t'ai déjà présenté à toute ma famille. Maintenant, tu me dois un mariage. C'est ça. Tu me dois un mariage, oh mon Dieu. Maintenant, on peut se swiper. C'est ça. C'est beau, c'est beau. Mais c'est malheureux parce que Tinder, tu peux pas écrire avant d'avoir un match. C'est fait ça. Fait que là, tu sais, même si tu l'as montré, mettons, à ta famille, puis que t'es pas encore matché avec. Ça va venir éventuellement. T'as eu Tinder Plus, Tinder Gold, tu vas avoir un Tinder Diamond. À un moment donné, tu vas pouvoir écrire au monde avant même de pouvoir matcher. Ça va être comme Do You Look Good dans c'est le fond. Ouh! Montre pas ça à tes grands-parents, là, c'est fini, ça. Mon problème favori, okay. Oui, c'est la bouffe. Ben oui, clairement. Ou trop manger. Trop manger. Ouais. Parce que hey, ça fait du bien, hein, tu sais. Ouais. Pas juste parce que je dis vraiment pas ça parce que je suis étudiant, mais parce qu'à un moment donné... T'as pas d'argent pour bien manger le reste de l'année, fait que... Je dis pas ça parce que des toasts au Nutella, c'est un luxe. Fait que genre, tout après ça, les pains fourrés, les petits pains chauds au four. Ouais. Okay. Ah, ouais. Bon. Ah, c'est ça. Ça se marque à l'heure. Parce que dans la vie, il faut vraiment comme tout tester. Hein? Ouais. Fait que durant les parties de Noël, faut que tu testes tout. T'sais, si t'aimes manger presque tout, faut que tu essayes les choses. Fait que finalement, tu manges au moins une fois de chaque affaire, puis... t'essaies de te limiter à une petite portion, mais t'en remanges une deuxième fois selon les trucs que t'aimes le plus. Et tu sais que comme dans un buffet, ton ventre va pas nécessairement aimer ça. Non. Et pas juste ton ventre, mais le problème vient à un moment donné où est-ce que tu te fais remarquer. Surtout, tu sais, je dirais, dans les parties de famille, ça peut être drôle. Ouais. Mais dans un party de boulot, là, c'est moins drôle. Ouais, t'es celui qui est tout le temps à côté du buffet, genre. Ouais, c'est ça. t'as l'air greedy, t'as l'air... Ouais. T'sais, radin un peu. Radin. Ah, attention. C'est vrai. Sors son vocabulaire les dimanches. Hey, c'est... En passant, on prend une petite parenthèse de seconde. Genre, c'est beau ma chronique, parce que on sent Nono, puis on avoue nos problèmes. Ouais. Puis vous remarquez pas, mais vous faites des « Ah ouais, ben, tellement vraiment humain de genre « Ah ouais, c'est classe, ça m'est déjà arrivé. » C'est pas dans notre script, ça. Toutes les réponses qu'on pourrait donner aux matantes puis aux questions, je les ai toutes déjà données. Ouais, c'est basé sur des faits. Faut se renouveler. C'est ça, exactement. Notre but est d'être éducatif un petit peu ce matin. On n'a pas le choix. Non. Tu sais, 17 Noël de suite à être tout seul, mais à un moment donné, t'as comprends-tu, je sais pas. Ben oui. Fait que, fermons la parenthèse, revenons à notre problématique de trop manger, de bouffe. Qu'on rappelle que c'est sur le plan qui est planificateur de pièces. Ah, exactement. De Marc Lachance, planificateur de pièces. C'est sa chronique aujourd'hui. En fait, il y a une seule règle qui va fonctionner. Ouais. C'est... Faut que ça devienne la règle absolue et faut que tu la respectes à tout point pour qu'elle fonctionne vraiment. Okay. Partons du même principe que la photo. Si tu n'es pas dans la photo, tu ne te fais pas remarquer okay. Ou tu peux pas prendre de mauvaises photos. Ouais. Donc, si tu veux pas nécessairement moins manger ou... Si tu veux que ça paraisse moins, il faut que tu partes selon un principe que j'aime vraiment... Et que j'applique au dessert dans ma vie quotidienne, c'est faut pas que ça se rende à la table. OK, faut que tu manges en route. En route. Exact. Ou t'en mets dans tes poches. Faut pas que ça se rende au char, faut pas que ça se rende à la table, faut pas que ça se rende à... Fait que... Ouais. Fait que faut que tu trouves une manière subtile de... De le déguster en temps. Ouais. Hey, tu fais comme... Hey, c'est beau ça, hein? Je sais pas si j'en veux plus. C'est pas vraiment pour la méthode... La méthode naïve. Ouais, OK, non, OK. Non. Ouais. Fait que tu fais comme... Hey, wow, super beau pâté, ça. Puis... Tu pars avec le petit pâté, ça. Non, tu t'en coupes une petite pointe. Ouais, je tu la manges avant. Ben oui, c'est ça. Mais on... Regardez, c'est pas... Là, on rit, on fait comme... Ah, c'est difficile à faire. Dans le cas d'une viande, ouais. Ou dans le cas d'une soupe, par exemple. Une soupe, ça peut être plus difficile, tu sais. Mais quand on y pense, combien de fois vous l'avez faite avec des crudités? C'est vrai. Oui, c'est vrai, mais ça se tient bien, les crudités. Oui, c'est vrai. Les crudités, là, c'est clair que t'en prends... Tu prends au moins, genre, je sais pas moi... La moitié du plateau. Un brocoli avant avant de passer au prochain plat. Ouais. C'est vrai. Avant de passer aux salades froides, mettons, peu importe là. Tu prends une crudité. Tu fais même... Même des fois, tu te gênes pas, tu fais une petite trempette. C'est comme une crudité de route. C'est ça, exact. Oui. Fait il faut partir dans le même état d'esprit que les crudités. OK. C'est pas plus crudité. Compliqué que ça. C'est ça. Et c'est tout aussi savoureux et drôle. Puis après ça, tu peux trouver quelqu'un qui est là en même temps pour faire un refill. Mm-hmm. Tu sais, lui, il se remplit sa deuxième assiette. Toi, t'es peut-être rendu à ta troisième, quatrième, c'est pas grave. Mais là, c'est là, tu dis des petites blagues avec. OK. Tu sais, tu te mets bien friendly, bien amical avec. Tu dis des petites jokes. Et pendant qu'il trouve ça drôle ou pendant que... Hey, c'est trop ça vraiment con. Pendant qu'il trouve ça drôle ou qu'il a la tête tournée vers le prochain plat, toi, c'est là que tu subtilises quelque chose. tu la mets dans ton assiette pendant qu'il te chasse. Okay. Fait que là, il pense que tu fais un petit refill. Ouais. Oui. Mais tu manges. Tu manges. Tu manges dès qu'il a le dos tourné. C'est ça. Faut quand même garder un niveau où est-ce que t'as quelque chose dans ton assiette pour pas qu'il le remarque. Mais c'est un beau moment pour le faire. C'est vrai. Sinon, faut que tu te portes du latex sur ta face pour t'élargir les joues. Comme ça, quand tu vas avoir de quoi entrer dans la bouche, ça paraîtra pas parce que t'es rendu avec ces joues-là. T'sais. C'est vrai. Pas pire truc. T'as même pris du poids juste des joues. T'sais. Sur ça serait ce qui mettrait fin à mes problèmes. Je sais pas si vous en avez d'autres, si vous voulez qu'on discute de quelque chose d'autre. En fait, j'ai un dernier truc ultime. On se garde pour la fin. On se garde pour la fin. C'est difficile, des fois, c'est les discussions en famille. T'sais, des fois, il y a des sujets qui arrivent qui sont un petit peu inconfortables. C'est à ce moment-là, souvent, que tu te mets à boire le restant de ta bouteille de vin tout seul dans ton coin. C'est ça. donc, toujours avoir un drink à portée de main. Exactement, oui. Et toujours avoir un sujet de discussion, genre, hey, Colin, c'est plate qu'il a retiré à la guerre des clans. Tu peux transférer sur ce sujet. prends une petite carte de sortie. C'est ça, c'est facile. Selon la famille. Oui, oui, selon la famille. Tu sais qu'il y a des trucs qu'il ne faut pas que tu dises, mettons. Mais vas-y dedans. Ou encore... Là, tu m'as bisbille. Ben, arrête. Ou encore, tout ce qui s'est dit aujourd'hui, tu sais, le... Tu peux sortir tous les trucs d'aujourd'hui. Hey gang, vous avez des problèmes depuis tout à l'heure. Vous pensez que j'ai 33 ans, mais réellement j'en ai 24. Check mon good. Check mon good. C'est ça. Là, on est prêt. Plus tout le monde compare ses coudes. C'est pas fou, ça. On sait que le plus de coudes en famille. Vraiment. Ça peut devenir une nouvelle tradition. Mais ça va être le nouveau laver son linge sale en famille. Ah, ça veut dire checker son plus de coudes en famille. Wow. Ben oui. Pas fou, ça. Pas fou, en fait. Parce qu'après ça, tu sais, on s'économise un crayon. Oui, l'échange de cadeaux. Tu sais, c'est quoi le paquet volant? Comment ça s'appelle? L'échange avec du vol? Là? C'est ça. Ça peut amener des complications. Ben la fin de quelqu'un veut ce cadeau-là, mais là, l'autre peut venir le voler et commencer. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Lance des crises, cette affaire-là. Ouais. Ça crie, man, ça pleure, ça se frappe. Mais la solution à ça, c'est quoi? T'en fais pas, non ça. T'en fais pas. Un cadeau pour tout le monde. En fait, je pense que c'est d'honnêtement accepter le fait que, au final, t'auras pas ce que tu veux. T'avais rien au départ. T'avais rien. T'avais un cadeau mauvais que tu donnais à quelqu'un d'autre. Ouais. C'est vrai. Fait que tu peux pas avoir pire. Mm. Voilà. Bien t'as raison. C'est un parcours intérieur. Là. C'est vraiment un positionnement interne que tu dois vivre. Mm. Si t'as pas le iPod à plusieurs dollars. iPod, comme dans... t'as quel âge? Ouais. Non, excuse-moi, j'ai pensé à The Office, là, ça m'a. À un moment donné, tu sais, Michael arrive avec ça et tout. Ah, bref. Les épisodes de Noël de The Office en passant US c'est... sont excellents. Hein. Et je rappelle au monde de ne pas acheter de pneus ou de poupées gonflables pour mettre en dessous de l'arbre naturel, parce que ça pogne en feu pour rappeler. Fait que je pense qu'on a fait la boucle de la chronique d'aujourd'hui. Oui, en fait, j'ai juste. Je vous vole encore un... Ben oui, vas-y. Un petit 30 secondes, une minute. Tout le temps que tu veux. Vraiment, juste pour dire le truc ultime. Vous savez, les politiciens, c'est vraiment des personnes... Là, je ferai une longue boucle pour y arriver. Les politiciens, c'est des personnes vraiment intelligentes. Je ne crache pas sur ces personnes-là. Ils ont vraiment un savoir-faire. Ils ont plusieurs connaissances que nous n'avons pas parce qu'ils ont étudié pour ça. Ils utilisent des trucs... pour bien paraître en société, qui sont amenés par des gens en marketing, whatever, en communication. Et ces trucs-là peuvent être facilement reproductibles dans un party Noël. Par exemple, le truc ultime, c'est pas de dévier les sujets tel un serpent, c'est bien de toucher un bébé. Mais pas de cette façon-là. Cherche le bébé. Oui, cherche le bébé. Cherche le bébé. Garde. Si joue avec un bébé, si ça va pas, va te trouver un bébé qui a. Tu vas paraître d'une personne attachante. C'est vrai, tu peux juste dire des niaiseries, tu comprendras pas. Ah, c'est ça. Puis là, tu peux. Tu sais, cette personne-là, tu peux. Le bébé, tu peux y expliquer pourquoi t'as pas de petit chum, tu peux y expliquer. C'est tellement vrai. Tu peux prendre ta revanche pour les joues, tu peux dire qu'elle est gossante, Linda, avec ses pincées de joues. Elle ira pas y dire, elle. Toi, t'as peur de te faire pogner les tu sais, tu sais pas prendre les bajoux parce que t'es trop petit, ça te fait mal. C'est encore toi qui vas avoir plus de cadeaux. C'est ça, tu sais. Là, tu peux faire toutes les blagues, passer tes messages. OK, c'est vraiment pas fin de faire ça, mais... Puis t'as l'air de la garder. T'as l'air de la surveiller. Ben oui. La mère ou le père pense que t'es responsable. Ils vont être reconnaissants. C'est ça. Je m'excuse à ma cousine. J'ai utilisé tes enfants. Là, il y a sûrement des gens qui nous écoutent qui disent « Ah, mais qu'est-ce que je fais s'il y a pas de bébé à mon party? » Ouais. T'en fais un. T'en apportes un. T'en apportes un. Genre, pourquoi on apporte des cadeaux de Noël? On apporte des cadeaux de Noël parce que il faut en apporter. Ouais. Mais ça devrait être la même chose pour un bébé. C'est vrai. Trouve-toi un bébé quelque part, amène-le. Si c'est pas un vrai bébé, apporte au moins une poupée. Ouais. Paraît d'une bonne personne. Qu'est-ce que tu fais, là, avec ta poupée? Ben, je me pratique à avoir des enfants. Tu me le demandes à chaque année. Puis il y en a qui ont la vraie, ils peuvent même faire pipi. C'est ça. Je suis prêt pour avoir un petit chat. Mais pas un aussi petit chat, moi, aux minutes. Oh, mon Dieu, je me pratique. Oh, c'est parfait, ça. Fait que vous voyez à quel point c'est nono, survivre au party de Noël. Les trucs se renouvellent, mais pas tant que ça. T'sais, au final, c'est juste un état d'esprit qu'il faut c'est avoir. C'est ça. Ouais. Je vous rappelle que être nono, c'est être niaiseux, mais surtout d'avoir un brin d'authenticité. Oui. Donc, c'est vraiment une position mentale que tu dois avoir par rapport à toi-même pour vraiment influencer les autres vers un envie de rire, vers une bonne humeur. C'est bien dit. Et sinon, la solution alternative, c'est de juste pas y aller puis rien faire. Hein? Exactement. Ben, c'est un peu... Il faut que tu y ailles. C'est ça. C'est des occasions de pratiquer tes nounouneries. C'est ça, tu peux pas y aller. Mais c'est aussi des moments de rencontrer des bonnes personnes. C'est ça, on va pratiquer ça au party de la huître. Marc Lachance, ça va. Puis si les trucs à Marc n'étaient pas assez, il y a les grandes crues aussi qui ont des trucs pour les parties de Noël. Tu vas mettre ça sur Facebook. Certainement. Génial. C'est merveilleux comme vidéo. Marc Lachance, on te retrouve en janvier, j'espère. Oui, en fait, oui. C'est dans mes objectifs réalistes de se retrouver en janvier, de vous apporter d'autres trucs vraiment tout à fait un peu imbéciles encore, tout à fait nono pour survivre à la vie. J'ai déjà d'autres trucs préparés, fait que l'année 2018, ça sonne mal 2018. L'année 2018 va être remplie probablement de mes trucs. Ok, on va planifier ça bientôt. On s'en reparle, Marc Lachance. Yes. La chronique Nounoun. Hein? Et on te retrouve donc en janvier. Notre petit sucre à chaque deux semaines, on la reçoit et c'est jamais assez, mais il faut y aller tranquillement, sinon on va être trop rempli d'informations et notre cerveau va exploser. Hein? Ça, c'est l'explosion. Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est le cerveau qui mange. Les petits bouts de cerveau qui revolent sur le mur. Ah, ah! C'est Justine Pertin. Bon appétit, tout le monde. C'est... Donc, ce matin, je reste dans la même palette sucrée. On avait entamé avec les bons beignes. Les bons beignes! Et les petits biscuits de ce monde. C'est ça. Mais ça a un lien ce matin avec le temps des fêtes. En fait, j'expliquais justement à Mathieu et Tania que j'ai eu de la difficulté à choisir mon sujet parce que je voulais peut-être parler de... Des overdoses du temps des fêtes, comment on mange trop. Et j'avais malheureusement pas de chanson qui s'agençait avec le thème de la cirrhose du foie. Je te prendrais un petit peu de sirop du foie pour mettre C'est ça, exactement. Un petit sirop income. Quoi? Un coke, un sirop income. Un sirop income. Wow, j'ai fourché de tout mon âge. Fourche langue, ma tête. C'est ça. Hey, tabarouette. Mais c'est ça, on demeure dans le thème du temps des fêtes, mais cette fois-ci, je me suis davantage attardée au goût sucré qu'on va retrouver dans plusieurs des mets qu'on va déguster pendant ce temps chaleureux. Puis, c'est ça. En fait, la chimie du goût du sucre en particulier, je me suis rendu compte que c'est pas mal plus complexe que ce à quoi je m'attendais. Ce qu'on pourrait concevoir dans le fond. Mais on se souvient bien quand même d'expériences pseudo-scientifiques menées dès le primaire à l'école, là, dans le système d'éducation québécois. Le goût sucré est l'une des saveurs de base. On a tout fait le test là, avec le sucre, le sel, des pétules, amer et tout. On la considère universellement comme une expérience agréable, sauf parfois pendant le temps des fêtes, pendant le temps des fêtes. Il y en a comme trop. Il y en a comme trop. Quand c'est en excès, ça peut être un peu désagréable, ça peut causer des nausées, etc. Puis peut-être qu'à l'école, on vous a dit qu'il y avait seulement 4 saveurs, alors qu'il y en a plus, pas mal plus. Mais voyons, non? Mais vous savez probablement déjà, les saveurs de base sont à ce jour le goût sucré, comme le saccharose dans le sucre, par exemple, le salé comme le chlorure de sodium ou le NaCl du sel de table. On a le goût amer comme la quinine dans le tonic, dans votre gin tonic. La quinine se retrouve dans le tonic. C'est pour ça que les gin tonic, moi, j'aime moins ça. C'est un peu trop amer pour moi. Moi, j'aime ça. Moi aussi, j'aime ça, mais juste le gin. seul. Ouais. Avec une glace. C'est ah, parfait pour moi. Avec une glace. 5 à 7 ce soir. Oh yeah! Hey, c'est vrai! Il y a le goût acide, comme le citron que vous avez acheté dans une vente de voiture d'occasion. Le petit dernier à avoir vu le jour, le goût umami ou le goût viandeux. On appelle ça le goût meaty en anglais pour la viande. Ah, pour vrai, c'est, je savais pas ça. Ça vient surtout des glutamates dans la viande, évidemment, mais aussi dans la sauce soya, les fromages ou certains légumes comme les champignons. On peut vraiment le percevoir des saveurs viandeuses. Fait que lui, on l'a découvert. J'ai jamais entendu décrit comme ça parce qu'on on le décrit souvent sur Wikipédia. On essaie de comprendre des fois le umami. Umami. Umami. Exactement. Mais. Ça ressemble à ça. Ouais. Mais exactement, ça serait le glutamate parmi d'autres molécules qui pourraient transmettre ce genre de goût qui rappelle un peu la viande. Okay. Tu sais, comme un bon portobello là, sur un gros champignon portobello sur le barbecue, ça goûte vraiment un petit peu comme la viande. Puis même chose avec les fromages, c'est pas pantoute de la viande, mais on n'a pas pantoute les mêmes protéines là-dedans, puis ça goûte vraiment à ça. Fait que lui, ce dernier goût-là, on l'a découvert plus récemment, hein, on le sait, avec la découverte du Japon vers la fin des années 90. Le Japon, ça a été découvert, c'est ça, en 85? Oui, 80, oui. Oui, je pense que c'est ça. Quoi, fait qu'il existe aussi d'autres saveurs, ou du moins des perceptions gustatives secondaires, telles que la saveur astringente, mettons, les tannins du vin. Mm-hmm. Quand on a un vin bien tannique qui nous colle sur la langue, puis que ça fait rugueux, ça, c'est une saveur astringente. Les saveurs piquantes, piment, gingembre, olé de passo! saveur métallique, hein? Votre sang dans la bouche quand la fin de session vous fait manger une volée, mettons. La saveur de l'amidon dans les bonnes pétacques ou la saveur grasse qui est assez self-explanatory. Donc, on a toutes sortes de perceptions comme ça qu'on peut sentir au niveau de notre bouche. Puis, pour retourner au goût du sucre, dans le fond, les aliments riches en glucides simples, comme le sucre, sont les plus couramment associés au goût sucré, évidemment. Mais il existe d'autres composés naturels ou artificiels qui sont sucrés. On parle même d'un goût sucré qui se manifesterait à des concentrations complètement différentes, genre un petit peu d'édulcorant va éliciter un goût sucré qui est jusqu'à 250 000 fois supérieur à celui du sucre dans le, t'sais, le sucre qu'on utilise à table. Puis c'est des différences qu'on voit aussi pour des structures moléculaires qui sont complètement différentes entre les différents agents qui sont sucrés dans notre alimentation. Fait qu'en effet, il n'y a pas juste les molécules s'apparentant au saccharose dans le sucre qui élicite la saveur sucrée. On compte parmi les composés chimiques sucrés des alcools, tels que l'éthanol dans vos drinks, les acides aminés comme la glycine et même des protéines comme la tomatine, mais pas tomatine comme tomato. C'est T-H-A-U-M-A-T-I-N-E. Autre chose. Tomatine, c'est autre chose complètement. Pire que ça, dans certains cas, deux molécules possédant une structure chimique identique, donc les mêmes carbones, les mêmes hydrogènes, les mêmes azotes, etc., ne vont pas susciter le goût du sucre de la même manière. Si on prend par exemple la leucine, qui est un acide aminé, elle existe en une forme L et une forme D, ce qui veut simplement dire qu'on peut la distinguer de par leur forme tridimensionnelle. Mais c'est les mêmes atomes, OK? Puis, bien malgré leur structure chimique identique, la D-leucine est sucrée, mais la L-leucine ne l'est absolument pas. C'est bien particulier. Encore plus étonnant, même des stimuli dits inadéquats sur la langue vont créer un goût de sucre, comme la stimulation par chaleur de la langue. Fait qu'apparemment, à certains endroits, si on stimule avec un peu de chaleur, on goûte du sucre, mais on n'a rien mis sur la langue. Là. Puis la pile carrée, c'est quoi cette saveur-là? Ouais. Quand tu te mets ça à la langue? C'est electrify. C'est ça. Ouais, c'est ça. Grease lightning! Ouais. malgré tout ça, la communauté scientifique est d'accord que l'expérience de la perception du goût sucré est qualitativement similaire, peu importe le stimulus. Fait que même si le goût du sucre varie en intensité, en durée et dans les goûts secondaires qui l'accompagnent, mettons, il demeure que le goût du sucre possède une seule représentation mentale. Fait qu'on va pas comme goûter comme un bonbon sucré et goûter une tarte puis avoir des représentations complètement différentes. Le sucre, c'est le sucre, c'est sucré, ça va comme ça. Ça, on le sait d'expérience qu'on a menée avec des sucrants comme le sucrose, le glucose et le fructose qui ont été ajustés en concentration pour produire la même intensité, mais leur concentration était complètement différente. Là, on a juste comme fait en sorte que ce soit la même intensité pour la personne. Puis, ils ont été administrés à des sujets qui n'ont pas pu faire du tout la différence entre les composés qui sont chimiquement différents. Okay. Fait que malgré tout ça, On peut concevoir que, mon Dieu, c'est bien complexe le sucre, hein? Mais qu'est-ce que se passe-t-il donc? Ben oui. Je me demande si on fait goûter de l'aspartame, parce que ça, c'est dégueulasse. Ouais. C'est dans la liqueur diète. Ouais, mais ouais. C'est pas bon. Ben, je veux dire, ça goûte un peu la même affaire. Si on fait mais juste comme vraiment appliquer... Ben, ouais. Ça dépend qu'est-ce qu'ils ont mis d'autre dans le drink. OK. Mais oui, apparemment, l'aspartame aurait le même, l'espèce de même... goût qualitatif que le saccharose dans le sucre, mettons. Okay. Pourquoi, de bord, est-ce que tant de signaux différents génèrent la saveur sucrée qui nous apparaît tous comme une unique expérience sensorielle? Bien, pour pouvoir mieux apprécier la complexité du goût sucré, il faut remonter au site de sa conception, hein, la langue. Fait que sur la langue, on le sait bien, nous avons des papilles gustatives, mm-hmm. en fait, de 2000 à 8000 par adulte. C'est une bonne moyenne, hein? Puis, en fait, on en a bien plus que sur la langue. On en a dans le palais mou, dans les joues, dans les parties supérieures de l'œsophage et même sur l'épiglotte. Yeah! Ah. Un mythe populaire veut qu'on puisse détecter des saveurs X, Y, Z dans des régions spécifiques de la langue. Là. On pense que le goût amer, c'est sur les côtés de la langue. Le sucre, c'est le devant. Le sel, c'est le milieu de la langue. Bien, c'est en fait faux. On l'a démontré il y a des lunes, d'ailleurs, que ces goûts peuvent être perçus par n'importe quelle région de la langue. Fait que updatez votre science. Gagne. Parce qu'on enseigne encore ça aujourd'hui, non? On enseigne encore ça, bande de caves. Oui. Système d'éducation québécois. Ah. Ça n'a aucun rapport. Politique, deux fois aujourd'hui. Politique, que c'est la faute des libéraux. Fait que dans les papilles gustatives, il y a ce qu'on appelle des cellules réceptrices de goût. Puis ces cellules possèdent à leur tour des récepteurs à leur surface qui permettent de détecter toutes sortes de saveurs dont les signaux sont envoyés par des nerfs crâniens au cerveau. Fait qu'on sait même que le goût du sucre est suscité par une famille de récepteurs en particulier... à savoir pour l'examen, les hétérodimères T1R2 et T1R3. Mais si on possède un récepteur du goût sucré, comment fait-il pour détecter autant de molécules différentes? Parce qu'on sait en biologie, plus souvent qu'autrement, des molécules qui activent un même récepteur ont une structure au moins un peu similaire. Mais ce n'est pas le cas de toutes les molécules sucrées du tout même. Fait qu'on a en fait élaboré plutôt récemment la théorie de l'attachement en plusieurs points, ou le Multi-Point Attachment Theory. Cette théorie veut qu'un total de 8 sites découverts à ce jour aient la capacité d'interagir avec des sucrants pour produire un goût sucré. Mais que l'attachement à ces 8 sites ne soit pas nécessaire pour la perception du goût sucré. Fait qu'une molécule pourrait se lier à 2-3 sites, mais pas les 8 sites, puis quand même générer un goût sucré. Ceci voudrait aussi dire qu'on pourrait avoir plusieurs molécules différentes avec des structures différentes qui se lieraient à un ou des sites différents pour produire un seul et même goût de sucre. Quand même, là, c'est de la sélection qu'on a là. On a même trouvé un site dénommé le site D sur ces récepteurs-là qui joue un rôle critique dans la perception de l'intensité du goût sucré. C'est d'ailleurs le site D qui lie fortement les édulcorants. Donc, à très faible concentration, des molécules d'édulcorants élicitent la saveur sucrée. Mm-hmm. On a dit jusqu'à 250 000 fois moins concentré que le sucre de table de tous les jours. Fait que leur seuil de détection est très bas et c'est en raison du site D. Le site D, là, ça arrive bien souvent qu'il marche pas. Ça c'est accédé, excuse-moi. Ouais, ça arrive qu'il... Pas la même chose, Mathieu. Non. Effectivement, c'est sûr que c'est pas jamais une bonne idée d'essayer de consulter son compte un samedi soir à 11h ou dans ce coin-là, les fins de semaine, la nuit. Non. Fait qu'à l'inverse, le sucrose qui nécessite de fortes concentrations pour goûter sucré va lier les 7 autres sites, mais ne lie pas le site D, expliquant la faible intensité de son action sucrante. On pense que le sucre, là, le sucrose, ça mm-hmm. goûte sucré, mais pas tant que ça. Hein, je veux dire... T'en as juste besoin d'un petit peu pour le goûter. T'en as besoin d'une bonne quantité pour pouvoir le goûter. Tu sais, la preuve, dans un café, t'as souvent besoin de mettre plus de vrai sucre de table que d'édulcorant. L'édulcorant, mm-hmm. t'en mets un peu, tu le goûtes plus. Fait qu'on sait toujours pas si ces 8 sites appartiennent tous aux récepteurs T1R2, T1R3 à la surface des cellules réceptrices du goût, mais tu sais, c'est que les études sont encore très jeunes, on se pose ces questions-là. Mais mettons qu'on peut, pour le moment, dire qu'il y a un récepteur en particulier. Une chose intéressante à considérer par rapport au fonctionnement de la perception des saveurs sucrées a un impact au niveau de l'évolution, super important. Donc, les animaux ont besoin d'ingérer de la nourriture pour vivre. Mm-hmm. Oui, tu sais. En fait, il faut consommer de la nourriture riche en énergie pour s'assurer de ne pas devoir bouffer à journée longue. Mm-hmm. D'ailleurs, c'est pour ça que plusieurs herbivores, ils font juste ça de leur journée. Là. Ils bouffent à journée longue pour pouvoir atteindre une certaine limite d'énergie. Là. Ils ont besoin d'un nombre X de calories dans leur journée. On s'entend. Fait que... si l'humain s'était attardé à manger du gazon comme diète. Et là, je fais pas... C'est vraiment pas un discours anti-vegan ou anti-végétarianisme, ça se dit pas pantoute. Mais il faut quand même dire qu'on aurait écoulé à l'époque nos jours entiers à chercher et à bouffer le gazon pour subvenir à nos besoins énergétiques. Hein? Fait qu'on serait pas civilisés comme nous le sommes aujourd'hui. Il y a des raisons pour lesquelles les zèbres aujourd'hui sont pas à la tête de grandes firmes... D'avocats, mettons. T'sais. Fait que eux autres, ils bouffent à journée longue. Nous autres, on a juste besoin de manger des petits repas riches en énergie. Puis c'était la même affaire à l'époque. Là. On essayait de trouver quelque chose qui était riche en énergie. Manger des aliments sucrés riches en énergie nous a permis de libérer de notre temps pour nous adonner à d'autres activités permettant l'arrivée de la civilisation. Cela dit, en tant qu'humain préhistorique, on n'avait pas le guide alimentaire canadien pour nous guider dans nos choix. Hein? Il n'y avait pas Ricardo non plus. Non, on n'avait pas Ricardo. Alors, les individus qui étaient munis de papilles gustatives leur facilitant la tâche de sélectionner, certes subconsciemment, les nourritures les plus riches en énergie et les moins toxiques, ont pu survivre et ont pu évoluer pour donner les humains d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on retrouve dans l'espèce humaine des gens dont les papilles gustatives sont assez similaires, là, qui peuvent goûter le sucre puis qui peuvent comprendre que ah, c'est un goût le fun, donc je veux m'en nourrir. Parce qu'à l'époque, c'était l'avantage du fait que c'était très nutritif qui nous permettait de survivre et de proliférer avec ces papilles gustatives-là. Donc, il fallait des papilles gustatives de nos ancêtres qui détectent le goût du sucre, donc des aliments riches en énergie. Il fallait que nos ancêtres aiment ce goût, hein, que ce soit un goût qui leur plaise. Et il ne fallait pas que nos ancêtres se trompent entre le goût sucré de multiples sources de sucre, comme les fruits, mais aussi les grains, et le goût d'un champignon vénéneux, par exemple. Ah, okay, ouais. Que ça soit assez spécifique. D'où l'importance de pouvoir percevoir plusieurs molécules sucrées sans qu'elles ne soient chimiquement apparentées. Et d'où l'importance de la spécificité de ce goût qui nous a permis de ne pas nous tromper avec des aliments toxiques. Mm. On est rendu loin là, dans ouais, l'espèce vraiment? De... Oui, on touche quasiment à la phylogénétique des papilles gustatives et de leurs récepteurs. Mais c'est ça, ça a une importance incroyable sur l'évolution de la race humaine. Sans nos papilles gustatives, on ne se serait jamais attardé à manger des nourritures qui étaient riches en énergie. Et il y a même des expériences qui montrent que des rats, par exemple, n'ont pas exactement les mêmes préférences de goût que nous. Okay. Donc, eux autres ne sont pas capables de goûter certaines formes de sucre et ne se sont jamais adonnés à comme, explorer des aliments qui étaient peut-être plus riches en telle ou telle forme d'énergie. Donc, il y a vraiment des changements qui existent, des modifications qui existent entre les différentes espèces. On parle d'un récepteur qui existe chez pas mal tous les animaux, mais dont l'espèce de structure est seulement conservée à 70 %. Ça veut dire qu'il y a 30 % de la structure du récepteur qui est changée entre les espèces et qui peut donc expliquer pourquoi certaines espèces, admettons des dauphins, ça ne goûte pas le sucre, mettons. Ah, ouais. Ça n'a pas besoin. Mais eux autres, peut-être qu'ils ont des récepteurs umami, tu sais. Ouais. Vous voyez? Donc, l'umami, dans le fond, dans les poissons qui se retrouvent le goût des poissons. Donc, voilà pour la chimie du goût sucré. On est chanceux de goûter autant de choses. Ouais, vraiment. Et ce matin, plus spécialement, j'ai juste sélectionné deux chansons parce qu'elles sont un petit peu longues chacune, mais délicieuses. Tellement délicieuses, avec une belle fin de bouche. En commençant par une jolie chanson de The Cooks, Sweet Emotion. Ah, c'est beau. Oh. C'est Justine Bertin. Oh yeah. Baby, sweet mother. Beep. Ooh, beep. She's the one that's on your mind. She's the one who takes her time. She's the one that's on your mind. She's the one who takes her time. Yes, I feel sweet emotion. She's the one that's on my mind. She's the one that takes my time. She's the one that's on my mind. Thank you. grossis. 2. Je ne maigris pas. 3. Je ne réfléchis pas à ce que je fais. Je 4. Je ne finis pas. Ce que je commence. 5. Je perds mon temps à l'université. D'autres qui, comme moi, grossissent à l'université. Oh. On become fat, surtout au doctorat. C'est bien crime. Ah oui, hein. C'était Sweet Charlemagne. Ça a l'air. Dis-je en postillonnant tout partout. Vous le voyez pas, vous, dans vos autos. Une chance pour vous autres. Juste avant ça, il y avait Sweet Emotion avec The Cooks. Ouais. Tout en douceur. En douceur. Petites douceurs qui nous rappellent le temps des fêtes et les autocas puis les affaires. En tout cas. Puis le bruit derrière que vous entendez. Mais non. C'est dans votre tête, ça, tout le monde. Voyons. Tabarouette. Allez, il y a des constructions près de votre auto. C'est ça, exact. Ils construisent un Starbucks, je pense. Oui, mais c'est le bruit de fond du Québec depuis quelques années, c'est tout ça. Tout est tout le temps en construction. Les tapisseries auditives. On aime ça. C'est des effets sonores. Mm-hmm. Merci, Justine Renaud. Ah, ça m'a fait plaisir. Hein, Colin, notre chef culinaire de pâtisserie, Giovanni Stine Paul Renaud. Jean-Claude, mon nom. Jean-Claude. J'ai oublié. Merci, Justine. Plaisir. Est-ce qu'on te retrouve un jour? Bien, certain. Probablement en 2018. En 18. En 18, après Jésus-Christ. Ben, on dit ça maintenant, mais bon, on dit ça. En 18. Apostrophe 18. Exactement. Voilà. À bientôt. Vous écoutez Assemblage Ricky, édition week-end. Assemblage Ricky pour toi aujourd'hui. Vous écoutez Assemblage Ricky, édition week-end. Avec Tania Baudin et Mathieu Plante. Sébastien Viartin qui est avec nous aussi. Le temps de parler avant de commencer, parce qu'on a bien du temps. De Starbucks. Oui. Un petit peu. La nouvelle est sortie hier quand même. Mais exactement. Après l'émission. Starbucks en vient à Trois-Rivières, Mathieu. C'est ça. À trois endroits. On savait déjà pour les Rivières en janvier. Tout à fait. Il y en a un avec un service à l'auto, tu disais, Sébastien, sur ton chemin. Ouais, c'est mon chemin pour aller à ma job. À côté du Costco. ça serait le premier au Canada avec un service à l'auto. Ben, t'as dit qu'il y en a un à Montréal. C'est, ouais, c'est faux, ça. C'est faux? Je suis désolée, mais il y en a un à Montréal avec un service à l'auto, là, puis il paraît de l'autoroute. Fait que... Ah, oh, oui. Ben, ouais, on, peut-être on va... qu'il est plus... Ah, peut-être qu'il a arrêté peut-être qu'il faire, est ouais. fermé... pour le service à l'auto, mais en tout cas, il l'a été pendant longtemps. Ouais. Fait que Mathieu, est-ce que tu veux dire le numéro de téléphone du studio pour les, la journaliste du Nouvelliste qui a écrit ça, qu'elle s'excuse? Eh hey, ben t'sais, hein, c'est ça. Hein? Hein? Une chance qu'il n'y a pas d'histoire de mosquée. On veut des explications. Une mosquée Starbucks, ce serait pas pire. Ah, bref. Et le troisième, on disait, c'était où? Je me souviens pas. Ah, c'est dans le centre des congrès qu'ils vont construire oui. au district 55. Oui, le ceci, exactement. Cela, avec un A commercial puis un 2000. L'affaire... C'est le gros centre des congrès qu'un A commercial dans le logo, t'as vu? Non, j'ai pas vu. Ils tellement arriérés. Ah, ok. Ouais, c'est tellement arriérés. C'est Mathieu. Vrai. Excuse-moi, mais c'est vrai. Je m'excuse, mais c'est vrai. Oh mon Dieu, terrible. En tout cas, bref. Hey, j'ai même pas le goût de faire un match de mots plan. Non, c'est ça, pas c'est, on peut juste pas. C'est malaisant. C'est pas une blague. C'est ça, exactement. C'est pas une blague, c'est une référence. Toi, t'es le genre de personne qui donne un wallet à sa grand-mère. Mais un beau! Mais un beau! Avec de l'argent dedans! C'est un gratteur de célébration. Ah oui, hey, c'est une bonne idée, ça! Ouais. On disait que sur c'était. Ce... Question d'encourager le jeu compulsif. C'est ça, exactement. Chez les personnes âgées. Vas-y, grand-maman. Ah oui. Donc, parlons ensemble d'autres choses que ça, hein, dans le bulletin Gartin. Sébastien F. Gartin, le dernier bulletin Gartin de 2017. Oh que oui! D'ailleurs, je tiens à dire que j'avais une idée, en fait, à l'origine. Je me suis dit, tiens, on va finir l'année en beauté avec un gros sujet important. Puis là, lundi matin, justement, en allant travailler et en n'ayant pas encore de Starbucks sur mon chemin, j'écoute C'est fou, j'écoute Assemblage requis en commençant. Ah, et merci, Tania merci. Qui parle de... La neutralité du web, qui était le sujet que je vous ai dit depuis la semaine passée. Hey, là, faut que je parle de ça. Là. Si seulement on avait écrit sur la page Facebook de l'équipe de nous écrire vos sujets à l'avance. Ouais, si seulement ouais, on avait fait ça. Ouais, c'est vrai. Seulement. C'est vrai. Mais tu sais, c'est que moi, mes sujets, en fait, j'en ai tout le temps 3-4 qui me tournent dans la tête. Puis je me décide la veille, en fait. On fait parce tous que... la même chose. Ouais, mais c'est parce qu'une des affaires, c'est surtout vu que je parle d'actualité, ben tu sais... Des fois, c'est un peu touché, il y a de quoi qui sort. Puis ouais. finalement, mon idée que j'avais depuis la chronique de la semaine d'avant, c'est finalement, elle est souvent fout le camp. Pis, ouais, ouais c'est ça. Fait que je me suis retrouvé un peu. Bon, OK, c'est chronique de fin d'année, parce que c'est rendu ça. Hein, ben on oui, s'entend. Ouais, dans 15 ouais, jours, dire, on va être en 2018. Ouais. C'est beau. Puis je me suis dit, ouais, hein. C'est en 4 jours, c'est Noël, les boys. 5 jours, c'est le 25. Les cadeaux ouais, ne sont pas achetés. Moi non plus. Moi non plus. Hey. Mais on va faire ça tantôt, en fait. Oh mon Dieu. Vendredi. C'est le fun. C'est ma journée c'est de congé aujourd'hui. Fait que je viens vous voir, puis après ça, je pique une course, aller chercher mon père à Pointe-du-Lac, puis on achète nos cadeaux de Noël en. Hey, c'est cool. Comme deux vieux gars. Oh, ah, c'est bon. Fun. C'est cute, toi. Fait que c'est ça. C'est trêve de tranche de vie. De, ouais, c'est ça. Donc. Trêve de plaisanterie, oui, parce qu'on plaisante pas dans le bulletin Gartin, jamais. Ben non. C'est non. sérieux, tout on à fait. Rira après. Okay. là, pour ceux qui se rappellent de Faradar, là. Bref, bon, je suis celui-ci, c'est pas grave. Ceux qui s'en rappellent, vont, les trois personnes vont la rire. Donc, salut. On les salue. Donc, c'est ça, je me suis dit, bon, ben, garde, m'en aller dans une belle tradition infomanienne et autres, de faire un petit... chronique d'humeur de fin d'année. Mm-hmm. De parce que je pense que l'année 2017 a été une année importante. Ah, ouais, une ouais, année quand même. Hein. Mais importante ah. néanmoins. Mais importante. Oui, c'est mais vrai. Importante. Parce que je crois foncièrement que si la race humaine survit au 21e siècle, ce qui n'est pas donné, non, ce qui n'est pas encore fait, probablement que les historiens du futur vont s'ostiner sur. Bon. Le deuxième Moyen-Âge, as-tu commencé en 2001 avec les taux du 11 septembre ou avec l'entrée de Donald Trump en poste c'est à ça. La présidence des États-Unis? Exactement. C'est un des deux. C'est toutes ses réponses. Peut-être. Ça va être comme, c'est-tu l'invention de l'imprimerie ou la découverte du Nouveau Monde qui a fini le Moyen-Âge? Mm-hmm. On n'est pas sûr. Ben, même affaire, la quelconque âge des ténèbres qu'on commence là va probablement avoir commencé avec une de ces affaires-là. Avec un tweet, à quelque part. Avec un tweet, ouais. C'est sûr. L'invention de Facebook aussi, peut-être. Ouais. Exactement. Bref, on a vraiment... Mais j'ai dit ça, puis c'est même un sentiment qu'autre chose. Ça vient du creux de ton ventre, de ton cœur. 2016 avait été l'année des célébrités qui font « Fuck off, Je sac mon camp au paradis. Ouais. 2017 aura été, d'après moi, l'année, une année charnière dans l'histoire de l'Occident, dans le sens que... Fuck off, je fais ce que je veux avec mes mains. C'est ça. Ben, ça ressemble à ça. Autant, puis c'est drôle que tu parles de ça, parce que il y en a eu des deux côtés. Comme je dis, le côté obscur semble avoir gagné. Mm-hmm. Donald Trump, président des États-Unis. Juste ça. La chronique est terminée ici. Exactement, merci. Je veux dire, la scène dans... je réécoutais les Star Wars dernièrement, Revenge of the Sith, Star Wars 3. La scène où ce que Palpatine devient l'empereur Palpatine et cesse d'être le chancelier. C'est. Si vous avez pas encore vu Star Wars, Anyway, il est pas bon. Ok, on va se le dire. Ouais, les préquels là. Ouais, non, c'est vraiment affreux. C'est pas le meilleur. Tu sais, les écouter une fois pour le principe là. C'est pas le. Tu sais, ben justement, Revenge of the Sith, c'est le moins pire tant qu'à moi des trois, mais bref. Halo de Rose. C'est ça. Ouais. Le 2, là, les maudits 5 qui se roulent dans l'air. Darth Vader qui se roule dans l'air. Ah ben. Hey. L'idole de mon enfance. Ouais, non. Commencez pas par ceux-là, s'il vous plaît. Non, c'est ça. Je sais que dans l'ordre, ils vont avant, mais commencez pas par ceux-là, parce que ça va vous turner off complètement. Le Star Wars, là, ça s'écoute dans l'ordre qui ont été faits. 4, 5, 6, 1, 2, 3, puis les restes après. En fait, même. Puis ça, je vais tester une affaire cette année, parce que là, je l'ai écouté par moi-même avec ma conjointe, mais en fait, avec Lucas Hubert, mon ancien. Futur, parce que là, c'est officiel! La sortie de secours revient en 2018. Une parenthèse qui vaut la peine d'être faite. Mais on aime ça! On sait juste pas encore à quelle heure, parce qu'il faut encore qu'on parle avec Alain. Mais directeur de la programmation. Exactement. La sortie à votre gauche, c'est une émission de radio. Hein? Mm-hmm. Ouais, c'est ça. On revient en 2018. Donc, Luke. C'est ça. Hubert. Donc, avec Lucas, mon ex et futur co-animateur. Tu l'appelles jamais Luke? Non. Non, en fait, son surnom affectueux, c'est Luc Alain. Luc Alain. Wow. Parce que, tu sais, wow! Ben, ça, c'est parce qu'on va. On va faire un petit peu d'année. Après une fin d'année, on est des affaires pesantes, on va mettre un peu de légèreté. C'est que ce qu'il faut savoir, c'est que Lucas est un peu comme Sheldon Cooper dans la vie, des fois. Il est pas très en contact avec ses émotions. Fait que quand tu filmes pas, la seule affaire qu'il trouve à dire, c'est ah, câlin. Fait qu'il te fait un câlin. Ah! Ce qui est quand même efficace. Lui, au moins, il en fait. C'est ça. Moi, je suis comme genre, toi. Ouais, c'est ça. Range-toi. Voyons donc. Fait que le surnom est resté, c'est Lucas Câlin, Lucalin. Ah, ok, c'est bon. Comme les Calinos, on aime ça. Lucalin. Donc, tout ça pour dire que. On a décidé pour Star Wars de tester une nouvelle manière de les écouter, c'est-à-dire, on laisse faire les préquels parce qu'ils sont poches. Ben oui. Là, on commence avec Rogue One. Ok, oui. Qui se passe chronologiquement avant. Plus on récent. Écoute les vieux. Après ça, l'épisode 7. Ouais. Mm-hmm. Puis après ça, ben, on s'en va au cinéma écouter le 8. Mais je peux te suggérer sur YouTube, je me rappelle pas c'est qui ou quand ou comment, mais il y a un montage des trois films prequel en un seul, beaucoup plus court, pour avoir les événements importants. Ouais, on va laisser ça à plèbe. Ouais. Et laisse faire le reste. On va laisser ça à plèbe. D'accord. Mais tu parlais, l'empereur a été voté dans Star Wars. C'est comparable à la montée Trump de Donald qui, Trump. Ouais, c'est ça. Avec, moi, je vois vraiment Natalie Portman dire sa fameuse phrase « La démocratie qui meurt dans une tempête d'applaudissements ». As-tu vu que Natalie Portman a comme désavoué sa participation à Star Wars? Elle a dit que ça a un peu gâché ma carrière. Ewan McGregor aussi, puis ouais, tu sais, il s'en est remis un peu, mais Samuel L. Jackson, Aiden Christensen, mais lui il est tellement mauvais. Mais lui. Mais en fait, il est marié avec je sais plus qui, mais c'est rendu un papa au foyer. Hein. Ouais, c'est. Mais il est marié, sa femme est actrice. Il a sûrement plus de talent là-dedans qu'en tant qu'acteur. Ça, en fait là, il est pas papa au foyer, il est devenu fermier. Ah, oui, mais, ce n'est pas mais il est canadien. Hein, Canadien. Il est revenu au Canada, puis il s'est acheté une ferme avec l'argent qu'il a fait avec Star Wars. Puis là, à Star, c'est un papa au foyer qui a une ferme. Il participe à certains projets, mais il fait vraiment plus des projets plus artistiques, un peu plus... Jouait dans l'Attaque des clones, en passant, pour ceux qui ne se rappellent pas qui il est. Et si vous googlez Google Images, vous allez tout de suite voir « Ah ouais, c'est vraiment lui qui a gâché les Star Wars. » Mais ça, je tiens à dire... Hey, ça s'enligne pour être une chronique Star Wars. Alors, on parle de rien sur ton sujet. Je tiens à dire que même Ewan McGregor, si vous regardez cet acteur-là dans n'importe quel autre film qu'il a fait, c'est un excellent acteur, lui, il a l'air de mal jouer. C'est que quand ils ont fait la trilogie de préquels, George Lucas, à la base, là, c'est un monteur. Il aime ça faire du montage. Oui. OK? Gâcher des effets spéciaux aussi. Ouais, puis scraper des effets spéciaux. C'est ça. Le George Lucas, il a vraiment fait ça pour s'amuser. C'est-à-dire que toutes les scènes des trois films ont été 90% étaient tournées devant des écrans verts. Ou bleu. Puis les acteurs n'étaient même pas ensemble. Ils faisaient leur ligne tout seuls. C'est ridicule. Fait une pause. C'est avec Rachel Bilson. qu'il est marié et qu'il a maintenant deux enfants. Hey, ok, bon, d'abord, il est vraiment cool, ce gars-là. Ils se sont séparés, ils sont revenus ensemble, ils ont eu un deuxième enfant, puis ça file le parfait bonheur. Wow. Ouais, puis il y a une ferme. Oui, à Toronto, dans le coin de Toronto. Ouais. Là, il parque, là. En tout cas, je pourrais continuer longtemps sur Rachel Bilson et le mais c'est pas ça le point. Je sais même pas c'est qui. Mais c'est la fille dans Newport Beach. C'est ça. Ah, c'est pour ça que je sais pas c'est qui. Oh là là. Ça se peut-tu? Mais non, elle est brune. Ok, ben j'ai vraiment pas c'est qui. Le support visuel pour les auditeurs à la radio. Exactement. Oh, elle. Cherchez oui, Rachel Bilson. Oui, bon. Elle a joué dans d'autres choses après, par contre. Oui, elle a joué dans... Dans mes rêves. dans les rêves à Mathieu. Elle joue dans une émission là, qui passe, je pense, à Série Plus. Il va falloir que tu apprennes l'art de l'épée laser si tu veux la conquérir. Mais... Oh! Oh! T'as pas le sabre laser pour ça. Escamotable. Oh, tabarouette. Il y avait vraiment une joke PG-13 là-dedans. Je pensais vraiment que c'était ça ta blague. Non, c'était pas ça. D'accord. Ah, ben la mienne, oui. Ben oui, mais moi aussi. Voyons. Wow! Moi, c'est, d'ailleurs, genre, j'étais pas très préparé pour ma chronique, c'est le fun. C'est pas grave. Hey, on s'amuse, correct. La session est finie. C'est rare qu'on fait ça avec toi. Ouais. Genre à chaque semaine. donc, la parenthèse. Ah non, ouais, je suis désolée de vous apprendre qu'ils sont plus ensemble depuis le mois dernier. Donc, j'ai ma chance. Quelle tristesse. Là, Tania, là. Ça va pas bien, hein? Les potins, ça peut, hein? Ça va faire, les potins. Donc, 2017, année de merde. C'est ça, exactement. Hey, moi, je m'étais au moins censuré. Pas juste pour nous, là, mais non. Pour plusieurs. Moi, j'avais pas fini le mot quand j'ai dit année de merde. Attends. Mais c'est ça pareil. C'est ça pareil. C'est pas grave. Moi, hier. Ah, c'est parti! Ah, on aime ça. Même chose qu'hier, les bruits d'effets spéciaux en arrière, c'est la faute de George Lucas. C'est George Lucas, les effets spéciaux. Oui, exact. Donc. Oui. Certes, plus, oui. La montée de Donald Trump. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, déjà là, année de marde. Oui. Mais c'est en fait, c'est pas tant. Bon, il y en a qui vont dire, oh, dire que Donald Trump. Puis d'ailleurs, j'inciterais nos auditeurs à aller s'abonner au channel YouTube Wisecrack. C'est des gars de philo qui font des critiques de films, des trucs comme ça. Mais c'est, tu sais, des vidéos comme The Philosophy of. Mm-hmm. Puis ils expliquent un peu. C'est des grands fans de South Park, entre autres. Ils font de philosophie of sur des épisodes spécifiques de South Park, okay. Même pas sur la série, parce que South Park, en fait, c'est une série extrêmement intelligente malgré le niveau de l'humour. Mm-hmm. C'est extrêmement intelligent. Puis il disait qu'une des affaires, il y a un épisode qui... C'est un épisode à propos de Cartman, qui est un chum violent avec sa copine. Puis c'est une belle métaphore de pourquoi est-ce que de la relation que Trump a avec ses électeurs. C'est-à-dire mm-hmm. que les électeurs de Trump, ça c'est la thèse là, qu'ils ont dans cette vidéo-là, là. C'est que les électeurs de Trump, en fait, sont obligés de double down parce que les libéraux, là, dans le fond, les démocrates, en fait, tous les gens qui n'aiment pas Trump, arrêtent pas de dire « Tu vois, il est cave, t'as voté pour un cave, check ce qu'ils viennent de faire encore cette semaine, c'est un cave! Mm-hmm. » Fait que là, les électeurs, ben, sentent se faire traiter de cave en même temps. Fait que notre réaction quand on se fait piner par quelqu'un, même si deep down on sait peut-être que cette personne-là a raison, c'est double down puis dire non, Colin, c'est Hillary Clinton, donc, c'est courriel. C'est ça, tu sais, il continue puis ça polarise en fait de faire ça. Puis ce qu'eux autres ils disent à la fin, c'est qu'ils disent, tu sais, si on voulait peut-être se mettre tous d'accord pour dire il n'y a pas d'allure, même le monde qui ont voté pour lui sont déçus dans le fond. Ben, si on veut leur permettre d'être déçus, il faudrait arrêter de leur remettre dans face la gaffe qu'ils ont faite. Pas faux. Personne n'a à dire. Peut-être, au fond, c'est ça. Puis, ben, malheureusement, c'est pas parti pour faire ça. Non. Fait que probablement que je sais pas s'il va y avoir une réélection de Trump en 2020. Mon Dieu, j'espère que non. J'espère pas. Avec ses 34% d'approbation stable, pas mal. Là. Ouais. Je vois pas trop comment il pourrait. Ouais, mais en même temps. Si tout le monde sort voter. Trump a un historique de tromper les attentes. Hein? C'est oui, c'est vrai. Je veux dire, clairement. On retourne v'là un an exactement. On avait tous pris on était contraire. Dans les. On était même pas dans les. On était-tu dans les présidentielles v'là un an? C'était en novembre, l'élection. Ben non, c'était fini. C'était terminé, je pense. Le vote était en novembre. C'est ça? 2016, mm-hmm. Ouais. Ouais. Investiture en février 2016. Ou janvier 2017. Mm-hmm. Ouais, ouais. Les présidentielles étaient finies. On remontait il y a deux ans d'abord. OK. Avant les primaires, là. On début peut pas monter il y a un an et deux, trois mois. Ouais. Ben, okay, il y a deux ans. Bref. Ouais. Au début des primaires oui. américaines, Donald Trump se présente. Moi, comme, ça va être Ted Cruz ou. Ben Carson. Ou. Ouais, Ben Carson. Jeb Bush, à la limite. Jeb Bush, ça aurait été le plus classique, ben mettons. Oui. Je veux dire, c'est la dynastie Bush. Exactement. Mais non, Donald Trump. Hey. What the hell? C'est ça. C'est comme ça. Ah, c'est ça. Pendant les présidentielles, ben non, voyons, d'un gros pas, ça va être Hillary, là, je veux dire. OK. Bon, Hillary, c'est la candidate vanille, là, tu sais. C'est ça, ouais, ouais, plain Jane. Ouais, c'est ça. Mais bon, c'est certain, celle qui va gagner. Voyons donc, clairement. Pas d'allure. Regarde-toi. <Surprise! rire> Même les sondages. Puis, ouais. Donc, fait que c'est ça. Fait que 2017 aurait été une année charnière, puis c'est qu'une autre chose aussi, de ce point de vue-là, je suis encore dans le... C'est un autre sous-point de l'élection de Trump, ben de l'entrée au pouvoir de Trump. C'est en fait le rapport à la vérité qui a changé beaucoup. Là, ouais. Si vous vous rappelez, l'année dernière, j'avais fait une chronique sur un petit livre qui s'appelait On Bullshit. Mm-hmm. Mm-hmm. On est dans l'âge de la bullshit présentement, la consécration de la vérité, on n'en a rien à foutre. C'est pas important. Même pas. C'est de ressentir. Même pas de on n'en a rien à foutre, parce que comme je disais un peu dans cette chronique-là, tu sais, ce que le Harry Frankfurt, l'auteur du livre On Bullshit, une analyse du langage de la bullshit qui dit, c'est qu'en fait, un menteur puis un bullshitter, c'est pas la même chose. Parce qu'un menteur, c'est juste ça, le contraire. C'est la vérité. C'est le contraire de quelqu'un qui dit la vérité. Il sait que c'est pas vrai, puis il ment. Délibérément. Il ment délibérément. Un bullshitter, probablement qu'il sait c'est quoi la vérité, mais il n'en a rien à foutre. Ouais. C'est ça la différence. Mmh. L'important, pis c'est comme un mélange de vérité puis de fausseté, c'est ce qui fait la force de la bullshit. Oui, exactement. Et c'est ce que Sarah Sanders nous montre chaque jour à la Maison-Blanche en tant que porte-parole, ou peu importe comment elle dit ça. Elle dit, ouais, mais même si c'est pas vrai ce qu'on a diffusé ou les vidéos YouTube de fausseté sur Twitter que Trump a retweeté, c'est pas important, ça nous a exposé telle affaire. Ça nous montre quelque chose, mais c'est pas vrai. Ouais, mais ça nous montre quelque chose. C'est ouais, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, mais ça nous montre, tu sais. Ça continue sans fin, puis c'est ça son principe. Elle est payée pour ça. Mm-hmm. Mm. Ben, c'est comme les news anchors à Fox News qui sont obligés de défendre Trump parce que c'est la ligne de la... Ouais. Tu vois que même les autres n'en reviennent pas de ce qu'ils sont obligés de... Puis même, c'est rendu qu'on le fait au Québec aussi, l'histoire avec la mosquée. Mais oui. C'est pas grave, même si c'est faux. Ça nous montre quelque chose et ça fait que les gens vont devoir se réveiller, disent-ils. Ben oui. Simonac. Sérieux, ça a bel et bien été dit, ouais, ouais, t'as raison. Mais pas dans ces mots-là. Mais non, ce point de vue-là en particulier, c'est que c'est faux. Ça montre quelque chose de faux. J'ai adoré la vidéo d'une fille qui pète sa coche sur ce problème-là, d'ailleurs. Ah. Je sais pas si vous l'avez vu, je pense que je te l'ai envoyé, Mathieu, mais... C'est possible que je ne me rappelle pas. Mais... Ouais. Sur la page de l'émission. C'est ça, sur la page de l'émission. Oui, je vais essayer de la trouver. Avec des potins sur Rachel Bilson, s'il te plaît. Puis des photos. Oui, surtout des photos. Une galerie. Pour Mathieu. Rachel Bilson déguisé en Princess Peach. Oh! Oh! Oh! Ah, c'est hey, Rosalina que je préfère. Brunette Daisy, peut-être? Rosalina. Tu connais Rosalina? Dans Mario? Non. C'est elle, ma préf. OK. D'accord. On parlait de quoi, là? On parlait de 2017. On parlait de tes fétiches. Oui, j'en ai beaucoup. Mais ouais. Un par jour jusqu'à Noël. ouais, c'est ça. Ça pourrait être un autre point complet. C'est une année où on s'est mis à complètement se foutre de la vérité. Mm-hmm. Et ce qui semble être un petit peu un corollaire de ça, point numéro 2, c'est en fait la montée de, j'aime pas l'appeler de même, l'extrême droite. Ouais. Mm-hmm. Pas de l'extrême droite, je m'excuse, du fascisme, du racisme. Mm-hmm. C'est du racisme. Là, on fera pas être islamophobe, c'est être raciste. Ouais, ben c'est okay? ça. Parce que pas parce que c'est la racine, c'est race que. Non. Parce que c'est une religion, c'est pas racisme. Une... Ouais, c'est ça. Parce que si tu vois un foncé. Ouais. On va le dire de même. Ouais. Là je m'adresse aux... aux gens qui défendent. C'est ça. C'est ça. Le monde, disant, monde qui sont mis des bumper stickers du drapeau confédéré. Mm-hmm. Là, ben oui. Au Québec. Vous êtes vraiment très intelligent. Tu sais, m'a dit comme Philippe DeFranco, le YouTuber, là. Tu sais, si tu viens du Texas, puis que tu te connais un bumper sticker... Bon, OK, oui, il y a une affaire culturelle, fait on comprend. Mais si tu viens de New York, puis que ta famille vient de New York, puis que... T'as pas d'héritage Southern, là. T'as pas d'affaire à avoir un drapeau confédéré, c'est uniquement raciste pour toi. Ouais. Tu sais, c'est. Il y a des affaires comme ça. C'est un peu comme un blanc qui met une coiffe indienne à Oceaga. Mm-hmm. Si t'es amérindien pis tu vis sur une réserve, oui, ça fait partie de ton héritage, envoie fort. Mais c'est ça. À un moment donné, là, hein, c'est pas tout le monde qui peut. Tu sais, c'est la question de la l'appropriation culturelle. Là. Le monde, ça s'énerve bien gros le poil des jambes avec, mais c'est pas compliqué. Si ta gang, on fait du tort à cette gang-là, en général, garde-toi une petite jeune avec les affaires qui les symbolisent. Ça résume juste tout. Ça. Ouais, ouais, ouais. C'est juste ça. C'est pour ça qu'on s'en sac du yoga. Tu sais, c'est pas de l'appropriation culturelle okay, faire du oui. yoga. Ouais. Tu sais, demandé où tu t'en allais avec ça. Ouais, je comprends. Tu sais, je veux dire, c'est pas un symbole de la culture indienne. Je veux dire, c'est eux autres qui ont inventé ça, mais c'est comme, je veux dire, les blancs tels que moi ont fait du tort aux foncés méditerranéens. Je m'empêche pas de boire du café pour autant. Ni du thé vert avec la menthe dedans. Ou une salade méditerranéenne. Ou une salade méditerranéenne. C'est bon des légumes. Ben oui, mais ça. Bon, vous voyez, c'est ça, là. On se comprend. Bref, je pense que j'espère que j'ai résumé un peu l'affaire simplement. Là. Un jour, les gens comprendront ça. Ben oui, ben oui. C'est ça. Faut. Puis d'ailleurs, à travers toutes ces ténèbres que j'explique et que je démontre, quand même eu que des avancées en 2017. Ah! Le hashtag MeToo qui est arrivé dans les derniers mois. C'est une avancée. On commence à dénoncer pour de vrai. Ils commencent à voir vraiment. Il y a même commencé à avoir des personnalités publiques. Ça a moins été médiatisé, mais des personnalités publiques masculines qui ont eux-mêmes fait leur coming out de Morgan Spurlock. J'ai été un agresseur. Ouais. Mm-hmm. Parce qu'il sait que ça va sortir éventuellement. Il a payé des gens pour qu'il se la ferme. Morgan Spurlock de Super Size Me et autres. Ouais. Donc il est sorti par lui-même avec un long post sur Facebook. Et il se retire de sa compagnie, etc. etc. Ah ouais. Là, on peut dire que c'est self-serving. C'est-à-dire que... Oui, c'est pour faire parler de lui, ça, c'est sûr, C'est faire parler de lui, puis aussi aller au-devant de... M'a le dire avant de me faire pogner. Oui, ben ouais, ça va mieux ça passer de même. Peut-être. Il y a peut-être même l'air de grand homme pour ça. Mais il y a au moins... Il y a quand même la reconnaissance là-dedans qui a fait de quoi de pas correct. C'est ça. Ce qui est déjà une avancée. Oui. C'est pas une si grande avancée que ça, mais qu'on soit rendu là... Mm-hmm. Ça veut dire que même si c'est uniquement un calcul politique, entre guillemets, là, mettons un calcul médiatique, ça reste que juste le fait qu'on est rendu au point où c'est payant de faire ton comme de dire j'ai été un agresseur, je le reconnais, ben ça c'est un avancé en soi en fait. Mm-hmm. Ça veut dire que il y a vraiment, ça commence à être dans la culture populaire de c'est pas correct ces affaires-là, ben, c'est faut ça. Les dénoncer. Ça ne fait que améliorer la situation. Il y a encore du chemin à faire, on va le dire, avant de me faire s'appeler. Mais il y a encore du chemin à faire, mais on en a fait du chemin cette année. Absolument. On a fait un bon... On a eu un bon lift sur le pouce, là. Exact. Je voulais amener un petit peu le point. Il y a des gens qui disent que c'est dommage que tout le monde perde leur job ou leur carrière à cause de ça, puis qu'il ne restera plus personne à la fin. Pensez au fait qu'il y a beaucoup d'arrière-âge. L'arrière-boutique des dernières décennies de ça, c'est sûr que ça s'accumule comme un gros bouchon de circulation, là. Parce qu'il n'y a personne qui avait sorti. C'est comme, t'as une petite porte, là, puis tout le monde veut foncer dedans, là. Puis, t'sais? Ça, il y a une affaire aussi, on va le dire. Oui, peut-être, probablement, ça se vérifie en fait, pas rien que probablement, c'est en train de se vérifier. Il y en avait beaucoup à Hollywood. Ouais, beaucoup, c'est ça. Mais ce qu'on oublie, c'est que, comme le cas Roman Polanski, le cinéaste qui a fui les États-Unis, qui est en exil depuis 30 ans quasiment, parce qu'il avait, il avait séduit, entre guillemets, et agressé une jeune fille de 12-13 ans, je pense. Présumément. Puis il s'est poussé avant son procès, là. Mm-hmm. Mais qui est reconnu donc par comme un artiste hors pair puis tout. Fine, c'est film, c'est des chefs-d'œuvre, mais ça reste que c'est pas correct. Personne n'est intouchable littéralement dans ce cas-ci. C'est ça. Ouais. C'est que moi ce que je trouve qu'on oublie avec ça, c'est que c'est un peu comme si on disait que il y a juste les gens qui ont percé qui sont talentueux. Mm-hmm. C'est pas vrai là. Je m'excuse là, mais le des bons acteurs qui vont finir vendeur chez Walmart sans vouloir les réduire content, je veux dire je suis vendeur chez Best Buy un magasin d'électronique local magasin d'électronique, excusez les c'est correct. Garde, là. Une fois par année t'as le droit. Ouais, c'est ça. les comptables prof de secondaire, whatever, name it. Prends ça pour tout le milieu artistique, les gens qui perceront pas, mais qui auraient eu le talent pour percer, puis que c'est juste le hasard des choses, le hasard du réseautage, ouais, qui ont fait qu'ils, ben, ils ont pas eu leur chance. Pour percer dans le domaine, tu devrais pas avoir à te faire percer l'hymen. Ouais. Mais ce que je voulais dire, en fait, c'est que je pense pas. Je pense pas personnellement que, oui, ces gens-là, des gens comme Harvey Weinstein, sont irremplaçables. C'est un peu ça que je veux dire. Ouais, c'est ça. Si ça avait pas été lui, on aurait eu un autre, puis peut-être que l'autre aurait pas été un prédateur demain. C'est ça que je veux dire. On le souhaiterait, fait, ouais. C'est là où ce que je trouve qu'il y a un gros, gros, gros biais dans la manière où ce que, quand c'est du côté artistique, on essaye de faire l'apologie de ces gens-là. Ben, en fait, je faisais allusion à mon collègue Jimmy Thibodeau, mm-hmm, collègue philosophe. Qui a parlé la semaine dernière un peu d'Heidegger, l'homme l'œuvre, là. Oui. C'est un running gag d'ailleurs dans la gang de philo, soit dit en passant, Jimmy Thibodeau. Puis toutes les fois qu'on dans notre groupe Facebook, toutes les fois que Jimmy dit quelque chose, on dit ouais, mais Heidegger, c'est un nazi, hein, Jimmy. Fait que, il est bien obsédé de ça. Il y a de la nuance que Jimmy a pas amené, je tiens à le dire. Ah, oh, lui qui est tellement nuancé, absolument, il a manqué sa chance là-dessus. C'est ouais, ça? Ben c'est son. Ouais. C'est un peu running gag. C'est un peu sa marque de commerce. Là, okay. Quand il était jeune, naïf et moins nuancé, c'est ça qui l'a fait connaître dans la gang un peu. Quand il était en première année de bac et que j'étais déjà un vieux. Un vieil aigri de la philo, là. Mais c'est ça. Comme Jimmy disait, tu sais, c'est où qu'on met la limite entre est-ce que l'œuvre de la personne, même si la personne est un monstre, si son œuvre a une certaine valeur, est-ce qu'il faut diminuer la valeur de l'œuvre à cause de la personne qui l'a écrite? Ben, moi, je pense qu'il faut séparer un peu les deux, même s'il faut en prendre compte. C'est-à-dire que, oui, ben, comme nous autres en philo, oui, on enseigne à Heidegger, mais oui, on met une notice au début de « By the way, il y avait sa carte du parti nazi ». Ouais, c'est ça. C'est à peu près le résumé de la chronique de Jimmy ouais. La nuance d'ailleurs que j'amène sur le discours de Jimmy là-dessus, j'espère qu'il m'écoute parce qu'il y peut rien me répondre. Mais c'est qu'en fait, Heidegger a eu sa carte du parti nazi pendant seulement 3 mois. C'était un peu un collabo en même temps parce que oui, il a été recteur de je sais plus quelle université pendant tout le long de la guerre. Il avait lui-même des points de vue antisémites, mais c'était pas un nazi dans le sens que c'était pas un des antisémites qui était pour l'élimination des juifs. Okay. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a lui-même déchiré sa carte du parti, parce qu'il a fait « Non, j'aime pas ce que ça s'en va. Mm-hmm. » Il était antisémite dans le sens qu'il pensait sérieusement que le groupe ethnique juif en Allemagne causait des problèmes, ce qui est raciste à fond. Ouais. Il considérait qu'il fallait faire de quoi par rapport à ça. Oui, peut-être créer une deuxième classe de citoyens, puis ainsi de suite. Ce qui, d'ailleurs, paradoxalement, ne fit pas du tout avec sa philosophie, mais pas du tout. Mais bon. C'est ça. C'était un peu ça la nuance que je voulais amener. Fait que c'est vraiment, je tiens à dire, c'est une chronique qui part de vraiment tout et bon. Je fais du révisionniste ces chroniques de Jimmy. Envoie bon, par là. On devrait avoir une chronique de métachronique. La métachronique, ouais. Ouais, ouais, c'est exactement. Ça. On va l'appeler la métachronique aujourd'hui. Bon, Carl Mathieu. Merci, merci. De toute façon, chronique de fin d'année, hein, c'était un peu ça. C'était un peu tout ça mon message. C'est que 2017, oui, c'est une année charnière. Oui, on peut vraiment focusser sur le négatif. Il y a eu du positif quand même. Ne serait-ce que justement le mouvement MeToo. On peut aller un petit peu vite ce qu'on attend pour 2018, l'égalisation du pot. J'ai hâte de voir ça. Ouais. Je veux dire, je suis pas personnellement un grand consommateur de. Je bois même plus d'alcool, mais le j'ai hâte de voir ce que ça. Honnêtement, j'ai hâte de vivre dans un pays où ce que c'est légal. Ben ouais. Ouais, ben ouais. Juste pour le fun. Est-ce que ça va être un gros flop? On sait pas. Est-ce que ça va être quelque chose Je penserais pas. Ouais. Je pense qu'en fait, c'est que beaucoup de gens qui sont le terme pour un consommateur de cannabis régulier, c'est un pothead. Ouais. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de potheads de placards qui vont sortir du placard. Mm-hmm. Parce que j'en connais des gens, beaucoup, qui sont. Qui ont une carrière, puis qu'ils fument un petit joint tous les soirs, comme d'autres mondes fument une cigarette ou prennent une bière, puis qu'ils vivent dans la honte et dans l'illégalité, mais c'est pas des criminels que là, soudain, ben là, finalement, le fait que, tant qu'à moi, c'est pas criminel, ben, qu'ils vont devenir. Fait que ça, honnêtement, j'ai un peu hâte de voir ça. Est-ce que Jughead fume du pot dans Riverdale? Non. Non, parce que ça va jouer à Vrac TV. Ça va jouer à Vrac TV, Riverdale. Fait que si commence à fumer du pot. Je m'en allais dire, ça me semble que c'est un peu trash pour Vrac TV, mais en même temps, Vrac TV, c'est quand même Buffy, c'est quand même. Ouais, c'est ça. Si t'as vieil adolescent. C'est ça, jeunes adultes. Jeunes adultes. C'est trash, mais ça l'est pas tant que ça en ouais. même temps, si on y pense, parce que c'est plus des moments qui viennent te chercher. Te chercher. C'est comme un peu Pretty Little Liars. Là, je pense que c'était plus trash que ce que Riverdale est présentement. Ouais, Pretty Little Liars, ma blonde l'a écouté. Moi-même, je l'ai pas suivi vraiment, là, mais il y a des bouts comme. Très dark. Elle me contait des affaires qui se passent dans l'émission, puis c'est perturbant. Ouais. Tu sais, mettons, t'as un prof qui finit avec son étudiante, mettons, mais ils finissent ensemble. Ah oui, hein? Ouais, c'est genre pas ça, moi, que je parle des trash. Là, moi, c'est des affaires de torture psychologique. Ouais, ouais, torture psychologique incroyable. Ouais, sur plusieurs saisons, là. Ouais. Ouais, c'est interminable. Ils kidnappent, puis ils font une espèce de patente à la Jigsaw, mais tu sais, à la décadence, là. À place d'être des pièges, puis tout, que c'est de l'espèce de torture psychologique, mais comme. Genre, elle me contait ça, ce qu'il faisait, j'étais comme, mais voyons donc! C'est ça pour adolescents, ça! Je veux dire, moi-même, je suis mal à l'aise de. Mais je suis pas certaine qu'à la base, c'était vraiment une émission pour adolescents. C'était sur la chaîne ABC Family, donc pour les familles. Ouais. Donc, ouais, pas mal adolescents. Mais ouais. À une heure qui n'était pas l'heure à laquelle tu te dis qu'à 12 ans, tu vas regarder la télévision. À 8 heures le soir, genre? Non, ça jouait aux alentours de 9h30. 9, ça se peut. Ouais. Je te le donne 9. Bref, un autre point positif de 2017, Pretty Little Liar est fini. Oui, exactement. On sait maintenant qui est A. Je sais pas, je l'ai pas écouté jusqu'à la fin. Non plus. Un autre. C'est trop long. C'est interminable. Un autre. M'a demandé à ma blonde, je retourne chez nous, je vais vous le texter. Ouais, hey, okay. Spoiler, non. Laisse-moi le regarder un jour. Mais c'est un peu comme One Tree Hill dans le temps, quand nous, on était adolescents, mettons. Ouais, j'ai pas plus écouté ça. Non, c'est ça. Mais... Ah, OK. Bon. Non, mais c'est pas à la en plus, tu sais, je veux dire, OK, en anglais, ça s'appelait One Tree Hill, mais tu sais, en français, il appelait ça les frères Scott. Parce que le concept de la série, c'était comme les deux frères de la même mère, mais pas du même père, puis qui ont pas une grosse différence d'âge, puis il y en a un qui est pauvre, un qui est riche. Ça dure pendant genre la moitié de la première saison, ce game-là, puis après ça, ça arrive. Mais c'est les Français, ça résume les Français, choisir un titre qui ne fit absolument pas avec la série, c'est une tradition chez eux. Ah, que ça me fait plaisir ce que tu dis là. C'est pas vrai, non? C'est vrai dans les livres aussi. C'est vrai. C'est pire que ça, les traductions en philo. Nous autres, souvent, les livres en philo, c'est des collections d'ouvrages. Mm-hmm. En fait, c'est des collections de textes. Ouais. Puis les traducteurs français font des choix dedans. Des fois, ils prennent un texte qui est dans un autre livre, leur traduisent. Ça nous écœure, là. Ça nous complique la vie en tabarouette. Ils font exprès. Je veux dire, tu sais, je voyais l'exemple, puis c'est vrai, ça n'a aucun rapport, mais la série Scream Queens, en français, ça s'appelle Terreur sur le campus. La deuxième saison se passe pas sur un campus. Ah ouais. Ça se passe dans un hôpital. Fait que là, ça s'appelle Scream Queens, Terreur à l'hôpital. C'est vrai? Pourquoi est-ce que tu as choisi de nommer quelque chose qui n'est pas nommé dans le titre en anglais? Franchement. En tout cas, moi, ça m'énerve. Bref, parenthèse. C'est comme dans les vieilles traductions de la première trilogie de Star Wars où ce que C-3PO devient Z-6PO. Ouais, oui. Darth Vader. Ouais, Darth Vader. Yann Solo. Hein? Yann Solo. Yann avec Solo? Un grec. Mais ouais. Non. Ouais. Mais non. Ben oui. Mais le pire, c'est que quand tu lis, tu sais, parce qu'il y a toute une littérature de Star Wars autour, là, l'Expanded Universe qui est devenu Star Wars Legends. Ouais. Mm-hmm. Les traducteurs français prenaient ces noms-là aussi. C3PO s'appelle Z-10PO. Puis là, depuis que ça a été racheté par Disney, ben là, il y a un nouveau. L'ancien Expanded Universe est devenu Legends. Puis là, il y a le nouveau Expanded Universe qui est canon avec les films. Ouais. C'est celui qui a recommencé depuis que c'est Disney qui a racheté LucasArts. Lucasfilm, plutôt, excusez. LucasArts, c'est les jeux. Mm-hmm. Ils ont. Apparemment qu'ils ont continué, en fait. Moi, personnellement, j'ai juste arrêté d'écrire français. Ouais, c'est ça. Mais apparemment qu'ils ont même continué avec ceux-là. Parce qu'il y a différentes versions. C'est les mêmes traducteurs, quand même. Je sais que les films, il y a eu des versions qui étaient traduites au Québec et d'autres en France, donc ils n'ont pas les mêmes. Des fois, le Faucon Millennium et le Faucon Millénaire, dépendant de quel tu regardes. Puis... Présentement, vous les achetez au Québec. Là, remarquez, là, je me base sur moi, la série, le boîtier de DVD que j'avais acheté. C'était avant que le Blu-ray sorte, là. Mm-hmm. Moi, ils sont traduits au Québec, ceux que j'ai. Mais ça, là encore, moi, quand je l'ai acheté, c'était dans les derniers temps que George Lucas est encore propriétaire. Mm-hmm. On le sait, lui, les affaires de même, j'ai laissé tout croche. Fait que ça se peut que ça ait changé. Je veux dire, comme je vous dis, personnellement, ce que j'ai, c'est la dernière version DVD qui était sortie avant que les Blu-ray sortent. Ils ont refait un coffret, mettons, juste avant que les Blu-ray sortent, pour mousser le Blu-ray. Ouais. Puis... Est-ce qu'on avait... J'ai pas vraiment de conclusion, mais c'est 2018, s'il vous plaît. Sois meilleur. Comme c'est ça. Deux branches à prendre. Là. Comme j'ai dit, 2017 a été une année de contraste. Ouais. Mm-hmm, vraiment. Pas mal de bien, pas mal de... Et dans le contraste, il y a con et il y a trace de bref. Mais il y a trace de tout ce qui va laisser des traces après 2017. C'est ça. Donc, on espère que 2018 soit plus du bon bord que du mauvais. C'est ça. Voilà. Voilà. Donc, bonne année. Oui. Bonne année, oui. Oui. Oui, you Noël. Know pas de retour de Hayden Christensen. Non. S'il vous plaît. Non. Il n'est plus avec Rachel Bilson. Non, sachez-le. C'est ça, sachez-le. Et tant qu'à reparler d'affaires de là, 35 minutes environ, là. Tu sais, quand je vous parlais du Ceci Trois-Rivières tantôt. Oui. C'est le A commercial dans Interactif. Ah, OK, ouais. Dans Interactif, il y a un A commercial. C'est ça. Ça fait vraiment année 2000. Wow. Hein? Ça va être de toute beauté. My God. Beau, hein? Ouais. Ouais, ça fait vraiment 2003, ça. Genre. Fait que tu vois, on a bouclé la boucle, on est revenu au début de la chronique. On recommence. Ouais. Voilà. On en fait une deuxième. Non, on n'a pas le temps. Merci, Sébastien Biertin. J'ai encore moins de quoi te préparer pour une deuxième. Fait que... Ouais, c'est ça. On te retrouve en janvier. Ouais. Génial. C'est dit. Et ben bon temps des fêtes. Ben vous aussi. Ouais. Hey, merci. Hey, c'est le moment d'accueillir notre amie Alicia Lemieux qui est là. De façon fidèle. Oui. La seule aujourd'hui à être notre chroniqueuse. Ah. Savez-vous c'est quoi le truc? C'est que je suis plus aux études. C'est donc ça. C'est pour ça qu'on a une aussi. Donc ici, ta chronique est toujours éco-responsable, environnementale, avec des petits conseils d'habitude. Donc de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Alors c'est ça, donc ce matin on va parler de trucs et idées cadeaux. Pour Noël, hein? Zéro déchet, on essaye. Oui. Mais surtout, moins difficile pour notre budget. On sait beaucoup que pendant le temps des fêtes, on dépense énormément dans les cadeaux et les multiples attentions qu'on donne à nos êtres chers. Mais tout ça a un coût et puis on se dit qu'on est capable de peut-être de donner moins tout en étant capable de faire plaisir quand même. Hein? Oui, ben c'est ça. Puis ça vient du cœur quand même. Oui, exactement. Alors c'est ça, ce matin, je clôt la boucle avec mes chroniques écolo. Donc c'est ma dernière de la saison. C'est ça. Tu reviens après, là. Hein? Ben, je vais être partie un petit moment, entre autres. Fait que on s'en reparlera ça. Mais oui, j'essaierai de venir vous voir pour parler de trucs et conseils écolo. Donc, oui, c'est ça. Je clôt la boucle pour la session. Puis, tu sais, bon, je sais qu'à 7h30, c'est peut-être pas le moment où les gens sont plus attentifs, mais je me dis quand même que les quelques personnes qui se sont réveillées à 7h30 puis qui ont ouvert la radio, c'est fou, puis ils ont entendu ça. Je me suis dit, bon, ben, au moins, on a peut-être 10-15 personnes là, qui ont entendu. C'est ça. Fois 1000 et au moins. Mais j'ai dit au moins. Hein, les gens qui écoutent les meilleurs moments aussi, on les salue. Oui, exactement. Les gens qui écoutent le vendredi ou le dimanche, salut à vous. Ben oui. Hein? Donc, tout à fait. Oui, c'est ça, en plus des reprises. Ben oui, tout à fait. Ben, tu me fais penser à ça. Multiplie ça par 1 million. Hey, c'est une bonne idée. Fait que ça multiplie tout ça. Fait que je me dis, ben, tous ceux qui ont peut-être entendu des petites brides, peut-être ont apporté des changements dans leurs habitudes de vie. Puis ben, c'est ça le but qu'on veut. Donc, rappelez-vous que c'est tous ensemble qu'on va réussir à faire un changement dans notre collectivité. Main dans la main pour la planète. Exact. Tout à fait, Mathieu. C'était beau, ça? Moi, merci. Donc c'est ça, ce matin on parle de trucs et astuces pour un conseil écono, écolo et écono. Ah ok, alors, c'est comme économique. Exactement. C'est comme deux en un. Alors on se base toujours sur nos principes qui sont la réduction, le réemploi puis la récupération. Mm-hmm. Alors on essaie de se mettre ça en tête là, quand on magasine nos cadeaux de Noël. Alors, ben c'est ça, principalement, ce qui est très difficile dans notre zéro déchet à Noël, ce sont les cadeaux. Hein. C'est principalement pour ça qu'on achète autant de trucs, parce qu'on veut faire plaisir. Puis, il est inévitable que quand on va acheter une quantité d'objets futiles, puis on n'en aura peut-être pas toujours besoin. Fait que même si cette fête-là est avant tout un moment de réjouissance et de rencontre en famille, ben c'est drôlement transformé avec les années en une fête mondiale, disons, de la consommation. Hein. Puis on court comme des petites bêtes effrénées à aller chercher le dernier robot culinaire qui est sorti, puis qui va traîner dans sa cuisine pendant 2 ans, puis qu'on ne servira jamais. Ben oui. Fait que le but de tout ça, c'est de se dire que en pensant aux cadeaux qu'on veut offrir à nos êtres chers, c'est de choisir préalablement qu'est-ce qu'on veut leur acheter. Donc, d'abord, on peut commencer par se faire une liste. Hein. On se fait une liste à qui qu'on veut offrir un cadeau. Puis après ça, ben, on sort les idées qui peuvent être non matérielles, peut-être. Alors, ça peut être une attention, ça peut être un chèque cadeau, au moins déjà là. Oui, on fait plaisir, on offre un cadeau qui va être consommé d'une certaine façon, mais qui ne passera pas par un bien matériel. Que la personne peut choisir par elle-même. Ben oui, entre autres, c'est ça. T'sais, même un chèque cadeau, c'est ça. C'est un montant d'argent, puis cette personne-là va choisir quelque chose qui lui est vraiment utile que de choisir pour elle. Il y en a qui n'aiment pas ça recevoir ça, donc faites attention. Il y en a qui trouvent que c'est moins. Que ça vaut moins. T'sais. C'est comme ça vient pas du cœur. Ouais, mais tu sais que quelqu'un aime vraiment quelque chose. Tu peux. Puis, assez précisément, c'est quoi l'item en question, tu sais. c'est plus facile. Au moins, tu dis, bon, on va vraiment l'utiliser, cet objet-là. Est-ce que tu conseillerais alors de prendre une carte cadeau pour un magasin spécifique et non pas un magasin... Tu sais, des fois, ça peut être une carte cadeau pour plusieurs affaires en même temps ou un centre d'achat. Tu devrais y aller un petit peu plus spécifique pour que la personne ait pas le choix d'aller dans ce magasin-là ou ce style d'article-là? Ben oui, ça peut être ça. Si tu veux être un peu plus précis dans ce que... La personne va ouvrir la carte puis va directement voir le nom du magasin ou de l'entreprise, peu importe. Donc oui, ça, des fois, ça peut être... la personne sait que t'as trouvé un endroit qu'elle aime particulièrement. Pour elle spécifiquement et non pas pour une personne qui a besoin d'un cadeau. Ben, c'est ça. Mais sinon, est-ce que tu dirais peut-être un magasin local, quelque chose comme ça? Ben, c'est ça que j'allais vous parler, ouais, entre autres. C'est sûr que l'achat local, c'est bonifiant parce que non seulement, ben, on encourage les petites entreprises, les gens comme nous qui ont parti de petites choses, puis bon, ils vivent bon an mal an du temps des fêtes, entre autres, parce que pendant le reste de l'année, oui, ils ont ça tourne un peu, mais je dirais que pendant le temps des fêtes, c'est le moment de... Si on veut acheter justement une attention, mais... on sait pas exactement, puis mais on se dit au moins j'ai acheté quelque chose qui est quand même unique parce que j'achète d'un artisan ou peu importe. Puis en plus de ça, ben peut-être que je vais payer un petit peu plus cher pour l'item, mais il est fait d'ici. Des fois, c'est un peu plus durable aussi, ouais, on s'entend. Ça. Fait que ça peut être... oui, c'est le genre de cadeau, tu sais, quand on veut vraiment juste donner une petite attention, une paire de boucles d'oreilles, un petit savon, des trucs comme ça. Là, bon, ben, c'est sûr que d'acheter local avant tout, c'est l'idéal que d'aller se ruer aux rivières puis de dévaliser les magasins. Hein. Mais c'est correct là, si vous allez magasiner de bière, là, hein, je veux pas faire de... Bon. Le jour juste avant Noël. Oui, c'est ça. C'est ça. Ah, Mathieu, hein? Le jour avant Noël. Donc, c'est ça. Fait que notre problème de consommation qu'on connaît au 21e siècle, c'est surtout fait aux trucs qu'on achète. Puis aussi parce qu'on est brainwashed par toutes les publicités qu'on voit pendant tant des fêtes. Je sais pas si vous remarquez présentement à la télévision ou même sur Internet de plus en plus. Là, on est comme bombardé de trucs. Ils ont des pourcentages de rabais. Ils ont toutes sortes de trucs. Donc, oui, c'est difficile d'essayer de se détacher de tout ça puis se dire non, j'ai pas besoin de tout ça. Puis... ma famille va m'aimer quand même si je lui donne pas le cadeau du siècle, tu sais, juste une attention comme on dit. Puis ça peut être aussi de passer du temps, hein, simplement passer du temps avec les gens qu'on apprécie. On peut dire à nos parents, écoutez, on se fera pas de cadeau, mais on va juste se donner une journée complète qu'on est chez vous, puis on fait de la cuisine ou on va jouer dehors ou je sais pas, tu sais. Fait que ces traditions-là évoluent aussi au fil des ans. Alors je me rappelle quand j'étais plus jeune, ben c'est sûr qu'on était des enfants. Les enfants ont des attentes, je pense, par rapport à tous les autres enfants aussi. Donc, ça, c'est aussi un autre truc hein, quand on est parent, de se dire, ben j'ai peut-être pas besoin de lui donner le dernier Nintendo qui est sorti, tu sais. Ouais. Je peux trouver, on va trouver un moyen ensemble d'avoir du plaisir puis d'être content sans avoir nécessairement tout le temps. Ouais, c'est quand tu les as habitués à quelque chose que c'est difficile d'arrêter après c'est ça. C'est ça. Mais même, c'est pas habitué. Je crois que les enfants, entre eux, se voient à l'école. Qu'est-ce que tu as eu à Noël? Fait que c'est tout ça qui est comme difficile, mais je lisais entre autres un article d'une mère qui, elle, a décidé d'entamer un processus zéro déchet, puis qu'elle disait qu'elle se donnait, pardon, des points sur lesquels elle se basait pour acheter ses cadeaux. Okay. Alors, elle, dans le fond, ça doit être quelque chose qu'ils ont vraiment besoin, alors elle se fie sur leurs besoins réels, qu'ils désirent, donc non seulement ils ont besoin, mais ils veulent vraiment. Puis quelque chose qu'ils peuvent porter ou qu'ils peuvent lire. Ah, OK, oui. Alors là, ça se corse un petit peu. Mm-hmm. Moi aussi, je suis du genre à me poser toujours ce type de questions-là. Je veux pas acheter quelque chose qui va être complètement inutile à quelqu'un que j'apprécie. Là. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui réfléchissent. Par contre, tu sais, tout à l'heure, tu disais de faire une liste. Mais sur la liste, automatiquement, tu penses à ce qu'ils ont besoin. Tu vas pas aller chercher un robot culinaire quand tu sais que ta mère fait pas la cuisine. C'est sûr, oui. Oui, exactement. Fait que c'est ça de juste te faire une liste, mais c'est pareil comme quand tu vas à l'épicerie, tu sais. Quand tu fais pas de liste, souvent, tu vas déborder dans ce que t'achètes, tu sais. Exactement. Là, tu te ramasses avec des trucs dans ton garde-manger, puis finalement, tu le mangeras jamais. Mais oui, c'est ça, de se faire une liste, c'est très pratique. Puis, tu sais, cette mère-là disait justement qu'elle, ça avait été un processus. La première année, elle avait juste acheté un peu moins de cadeaux, puis ça s'est allé comme ça. Puis par la suite, c'était des cadeaux d'une moins grande valeur, donc elle réduisait le coût des cadeaux en offrant des trucs un peu plus simples. Mais, somme toute, elle dit qu'elle s'est créée une tradition avec ses enfants de cette façon-là. Puis... que ça fonctionnait très bien. Donc, ça dépend aussi un petit peu des valeurs, peut-être, qui sont inculquées aux enfants, tout ça. Puis, donc, oui, c'est quelques trucs. Donc, comme on dit, faire une liste, essayer de se baser sur les réels besoins de la personne à qui on veut offrir un cadeau, d'aller acheter local, Mais avant tout, c'est d'offrir une attention, quelque chose qui est immatériel, donc on n'a pas besoin de toucher, puis qu'on peut vivre un bon moment quand même sans... c'est ça, le nouveau robot culinaire. Mm-hmm. Tout à fait. Alors, donc, tout ça est autour du cadeau. Maintenant, ben, en fait, le autour du cadeau, c'est l'emballage. Hein? Oui, oui, oui. Ça, c'était le cadeau. Et ensuite, le contenu, on veut le contenu. Oui, dans le contenant. C'est ça. C'est ça. Alors, le contenant, ben, c'est l'emballage. Puis ça aussi, c'est une autre partie des déchets parce qu'on s'entend que peut-être que l'objet, tu vas l'utiliser, mais souvent, l'emballage autour... Tu le jettes, ben oui. Tu sais, je connais des matantes là, qui le déplient pour le réutiliser. Oui. Je pense qu'ils ne l'ont jamais réutilisé, là, tu sais, sincèrement. Il y a une personne dans la vie là, que j'ai vu faire ça, et c'est ma mère. Et elle réutilise, ouais. C'est fou. C'est vraiment très, très fou. Il y a des années, on avait le même papier que quand on était jeune. Ouais. Pour vrai? Ouais. Il faut que tu ouvres ton cadeau avec un canif, genre pour... Quasiment, là, c'est ça, tu sais. Ouais. Ça ressemble presque à ça. Mais les sacs cadeaux, par exemple, c'est aussi quelque chose de très réutilisable. Ça va. Ouais. Ça dérange pas, je veux dire, pour vrai. Ben, ça se déchire pas mal moins bien. C'est ça. Non, tout à fait. Fait que c'est sûr qu'un sac cadeau, on s'entend qu'on le réutilise un peu plus. Mm-hmm. Fait que déjà là, mais tu sais, il y a quand même un petit feeling de déballer quelque chose. Là. Ouais. Peut-être pas pour Tania qu'il fallait qu'il... Mais maintenant, ça va mieux. Ah, OK, d'accord. Mais oui, c'est ça. Fait que oui, je comprends le désir profond de vouloir déchirer un cadeau. Mais ça peut se faire avec quelque chose qu'on a peut-être déjà à la maison. Donc, du papier journal, ça peut être toutes sortes de choses. On peut utiliser de la ficelle, du papier scrapbooking, peu importe, des trucs qui nous restent chez nous. Donc, on utilise, en fond, on se débarrasse de ce qu'on a déjà chez nous, en quelque sorte. Puis, ben, de toute façon, on sait qu'il va se retrouver à la récupération. Fait aussi bien l'utiliser, puis de toute façon, notre PubliSac allait se retrouver inévitablement là. De toute façon. Ben, c'est ça ou au fond de la cage du oiseau, fait, je veux dire, le journal. Ah, exact, l'oiseau, ouais. Pour ceux qui ont des oiseaux. C'est ça. Ah, d'accord. Ouais. Ils mangent des chips, apparemment, les oiseaux. Oh, mon Dieu. Est-ce que t'as un oiseau? Non. Ah, OK. Non. D'accord. Est-ce que tu voudrais un oiseau pour Noël? Non. Okay. Non, je sais pas. Elle va aller t'accueillir. Hein? Oh, wow. Un oiseau du paradis, la fleur. C'est ça. C'est cute. Mais non, je trouve que les oiseaux, je trouve ça bruyant pour rien. C'est comme, OK, on a compris ta gueule. T'sais. Ouais. Ouais. Bon, hein? Sur ce, Alicia, continue. Oui, oui. Vous êtes pas d'accord que ça fait du bruit? Mais c'est normal, c'est un oiseau. Moi, mais je suis quelqu'un de plus calme. Peut-être que les amateurs d'oiseaux vont nous appeler là, bientôt pour dire. Ouais, c'est ça. Mathieu. Mais t'as personne à dos, là. Arrête de parler d'oiseaux. Excuse-moi. Donc, c'est ça. Donc, oui, d'abord, de réutiliser ce qu'on a, donc du papier journal. C'est quand même très bien comparé à racheter du papier qui est sur les étagères, puis bon. Mm-hmm. Les pages jaunes, ça sert à rien. Aussi bien s'en servir pour emballer les cadeaux. Mais ça existe encore, les bottes téléphoniques? Je te jure que oui. Ah ouais? Ah ouais. Ils sont rendus tout mignons, tout petit. Ah ouais? Ouais, je te jure. Ça te prendrait comme 15 pages pour emballer un cadeau, mettons? Mais ça prend de l'effort, puis ça montre que t'as vraiment travaillé fort. Tu pourrais mettre du Mod Podge. Oui. Ça sera plus difficile à décoller. Comme sur les livres à l'époque. Là, oui, mon Dieu. C'est classique, ça. Ouais. Mm-hmm. Ah. Super. Hein, on trouve des bonnes idées quand même ensemble, c'est ça. Ouais. Y a aussi une méthode japonaise qui se nomme le furoshiki. Furoshiki. Le furoshiki. Peut-être que je le dis pas bien, mais bon, c'est comme ça qu'il est écrit. Alors, ça consiste à utiliser des grands bouts de tissu, donc ça peut être un foulard qu'on a à la maison, des grandes serviettes ou des linges, peu importe, puis de recouvrir nos cadeaux par un simple bandage. Alors, on utilise le bout de tissu, on ramène tout sur le dessus, puis on fixe. Il y a différentes façons de le faire pour que ça soit beau. On peut emballer, entre autres, une bouteille de vin, toutes sortes de choses, donc avec ces linges-là. Puis, ça peut être soit offert à la personne qu'on offre à cadeau. Donc, si tu achètes un foulard, tu l'emballes avec ça. Elle utilise le foulard, puis elle l'utilise, puis il n'y a aucun déchet qui a été produit. Mm-hmm. Donc, ça peut être intéressant. Ou tout simplement, on reprend ces bouts de tissu-là, puis on offre d'autres cadeaux dans les Noëls précédents. Donc, ça permet de rien jeter, en fait, avec ces tissus-là. Alors, ça, c'était au niveau de l'emballage en tant que tel. Ou ça, on peut tout simplement aussi le donner. Tu sais, des fois, l'emballage est déjà beau. T'sais, un petit pot de confiture ou je sais pas. C'est déjà beau. Fait que le donner comme ça, ça fait autant plaisir. Tu le caches, tu le sors. Exactement. Voilà. Surprise! Ben oui. Alors, voilà. Ensuite de ça, on parle de se vêtir à Noël. Hein. Oui. Ça a l'air qu'on c'est ça. Faut trouver la tenue idéale pour Noël. Mm-hmm. Donc, en fait, c'est ça. Je sais qu'on aime tout ça, se trouver d'un nouveau morceau de linge. C'est comme le moment de l'année qu'on se le permet parce que le reste de l'année, on s'est comme privé. On se dit non, je peux pas. Puis là, tu dis ah non. C'est correct. C'est Noël. Ouais. C'est un peu ça qu'on a le réflexe, en fait. On oublie. Mm-hmm. D'ailleurs, j'ai appris qu'on dépensait en moyenne, chaque ménage dépensait environ 600 $ dans le temps des fêtes en cadeaux, en linge, en tout ce que tu voudras. Donc, c'est vraiment beaucoup. 600$, on pourrait faire beaucoup d'autres choses avec ça. Ouais. Mais bon. Puis, donc, c'est ça. Fait que le but, ben, c'est peut-être de commencer, au niveau de nos vêtements, à sortir ce qu'on a, nos plus belles pièces de vêtements. On les sort de notre garde-robe, on regarde un peu ce qu'on a. Puis après ça, on essaie de faire des agencements. Donc, des fois, on a des trucs qu'on oublie qu'on a dans notre garde-robe, puis dans le fond, c'est très beau, tu sais, ou qu'on utilise. Peut-être les laver parce que ça sent le garde-robe. Ouais, c'est ça, exactement. Ça, ouais, peut-être. Un petit coup de savon. En même temps, hein? Si tout le monde sent le garde-robe au party. Hein? Febreze. Non, les matins, ils mettent beaucoup de parfum là-dessus. Ouais, c'est vrai. Fait qu'on n'a pas besoin. L'air est déjà saturé. puis ensuite de ça, c'est ça. Donc, de trouver les morceaux qu'on a déjà dans le garde-robe. Ou bien, puis à ce moment-là, si on voit qu'il nous manque vraiment là, un morceau, une paire de culottes, une jupe, je sais pas. Ben, de peut-être justement se l'indiquer, c'est quoi les morceaux qui nous manquent réellement. Pour l'avoir en cadeau, non. Oui, ben, ça peut être en cadeau, mais là, tu risques de pas l'avoir pour le 25. T'as sans pantalon au party, parce que tu souhaites que quelqu'un t'aille acheter un pantalon. Ben oui, ça, c'est un bon truc, tu sais. Tu t'attends vraiment à voir ça. Fait que ils se sentent mal. Fait que s'ils l'ont pas acheté, ils vont le 26 pendant le Black Friday. Puis c'est pas le Black Friday, hein, c'est le. Oh mon Dieu, comment t'appelles ça? Dit, le Boxing Day. Boxing Day. Ouais. Le Boxing Day. Ah, que j'aime cette journée. puis c'est ça. Donc, oui, de choisir les vêtements qui nous manquent réellement. Si on veut acheter de nouveaux vêtements, des fois, essayer de se dire qu'est-ce que je pourrais sortir de ma garde-robe. Mm-hmm. Hein? C'est bien d'essayer de faire un tri puis de toujours se garder un certain nombre de vêtements parce qu'on sait qu'il y en a qu'on met jamais. T'sais. Fait que de sortir ces vêtements-là qu'on ne veut plus. Puis, dans un premier temps, ben, c'est d'aller voir si on n'aurait pas ce morceau de vêtement-là, peut-être dans une friperie ou Village des Valeurs, je sais pas. Donc, on réutilise un autre vêtement. Puis sinon, ben, on se rend dans les boutiques, mais en se gardant toujours là, un objectif qui est le vêtement qu'on a besoin. Oui. Il y a de plus en plus de boutiques, en fait, de vêtements qui ont des bins à ramener tes vêtements, puis tu obtiens un rabais sur ton achat. Un genre de gros panier, là. C'est comme, ça ressemble à une boîte à mal, en fait. Tu vas déposer les vêtements que tu ramènes, que ce soit pas nécessairement de la même compagnie ou peu importe. Puis eux, avec ce que tu ramènes, ils vont te donner un rabais sur ton prochain achat. Ah, waouh! Je savais pas, je connaissais pas cette façon-là. J'imagine que c'est pas toutes les boutiques qui font ça. Non, c'est pas toutes les boutiques qui le font. Faut vraiment que vous demandiez, en fait, s'ils font. Mais par exemple, récemment, H&M a ouvert au Centre Les Rivières, mais il y a deux bins dans le magasin où vous faites déposer vos vêtements puis obtenir un rabais. Ah, ben c'est super, ça. Ouais. C'est motivant, dans ce cas-ci, à sortir. Exactement, hein? Puis ils prônent là, vraiment parce qu'ils disent, lorsque tu es à la caisse, sur ton prochain achat, si tu amènes des vêtements, ben tu vas avoir un rabais. Enfin, tu sais, ils donnent des pamphlets puis tout ça. Là, c'est vraiment un rabais qui a de l'allure, au moins, j'espère. Oui, quand même. Cool. Ah, ben c'est super intéressant. Ouais. Merci, Tania, pour cette information. Alors oui, donc vous savez maintenant que certains magasins offrent cette possibilité-là. Donc prenez le temps, puis sortez vos trucs. Puis souvent, en fait, ce qu'on fait pas assez avec le zéro déchet, puis c'est ce qui nous bloque un peu, c'est qu'on demande pas. On prend pour acquis certaines choses, comme on va à l'épicerie, puis là, on voit un concombre à emballer, ben on va prendre le concombre à emballer. Mais peut-être que si on demandait simplement au commis en disant « Est-ce que tu aurais un concombre non emballé? » Ben il pourrait peut-être « Ah oui, j'ai ça. » Puis il va aller chercher, mais des fois, ils ne mettent pas de l'avant en premier temps. Donc oui, c'est une très bonne initiative à aller porter nos vêtements dans les magasins. Donc, c'est ça, de se garder l'objectif puis d'acheter seulement ce qu'on a besoin puis de ramener à la maison. Puis souvent, on est satisfait parce qu'on a moins dépensé, on a acheté ce qu'on avait vraiment besoin puis qu'on sait qu'on va réutiliser. Puis, finalement, pour conclure tout ça, ben là, vu qu'on a fait tellement d'économies, ça se peut dessus. On va à Las Vegas! Ben oui, quasiment, on pourrait se payer autre chose, un voyage avec tout ça. Mais on peut aussi essayer de faire un petit don de charité. Ah. Hein? On sait qu'on n'est pas, on n'a pas tous la même chance à Noël de pouvoir être des fois au chaud, d'avoir quelque chose à se mettre sous la dent. Donc, de peut-être utiliser une partie de ce montant-là qu'on n'a pas acheté en autre chose, puis de le redonner à une œuvre caritative ou dans les paniers de Noël, de toutes sortes de façons. Ça peut être aussi très concret. On peut décider de prendre l'initiative par soi-même, de se rendre dans un centre de personnes âgées. Ça peut être n'importe où, là, tu sais. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui passent Noël seuls. Donc, de juste faire un petit geste comme ça, ça peut être en argent ou tout simplement de donner du temps pour aller aider dans, justement les paniers de Noël, je pense, en fin de semaine. Oui, moi, ça aussi, il y en avait beaucoup qui ont été donnés un coup de main. C'est ça. Fait que de juste redonner un petit peu comme ça, fait qu'en plus de tout ça, ben, on se sent bien parce qu'on n'a pas tout dépensé en trucs qu'on sait pas si ça va vraiment plaire. Mm-hmm. Donc, on a plus d'argent dans notre compte. Puis en même temps, on redonne un petit peu aux gens autour. Donc, ça complète bien, je trouve, la boucle. On passe un bon temps des fêtes. On est heureux. On a la tête légère. Donc, c'est surtout ça à avoir en tête. c'est de se sentir heureux, puis de s'assurer que les autres autour de nous soient heureux, de sentir qu'on fait une réelle différence dans notre milieu, puis qu'on se conscientise tout le monde ensemble, puis mm-hmm. que ça fait hein, des petits comme ça, puis on comptabilise, on répand ça dans notre dans notre milieu, voilà. On a vraiment essayé de t'aider, mais ouais. Je sais pas quel mot tu voulais utiliser. Que t'es une bonne personne, Alicia. Ah, ben merci. Puis si vous voulez d'autres trucs comme ça, ben vous pouvez aller sur justement le page Facebook de l'Association québécoise Zéro Déchet. Mm-hmm. Ils publient beaucoup de trucs chaque jour, toutes sortes d'idées. Là. J'ai entre autres été pigé quelques idées à travers tout ça. Donc, allez les voir. Ils ont beaucoup de trucs et conseils à ce niveau-là. Donc, c'est très inspirant de les avoir comme like. Oui. Sur Facebook. Comme contact. Comme et voilà. Ressources. Hein, tu vois, là, on compense pour le fait qu'on a pas ton mot tantôt. C'est ça. Merci, Alicia Lemieux. On te retrouve bientôt. Parlons un petit peu de toi et ton futur rapproché. Tu seras pas avec nous au Québec, c'est quoi? Tu seras pas en région? Ouais, j'ai comme cru comprendre un... Comme France? Non, pas tout à fait. Okay. Pas tout à fait. C'est très près, par contre. Okay. Je me dirige du côté de l'Italie. Oh! Alors, mois de janvier, vers la mi-janvier, je vous quitte. Puis, je vais revenir un mois et demi plus tard. OK. Près. Donc, voilà, je prends mon envol pour quelques moments. Puis, je reviens épanouie. Et enfin. Super, c'est cool. Oui. Tant mieux pour toi. Bonne idée, ça. Donc, Alicia Lemieux, de retour éventuellement 2018, genre février. Mars, peut-être plus. C'est ça. Merci. Hey, merci à vous. Puis joyeux fête. Hey, merci. Alicia Lemieux, sa chronique éco-responsable. Voilà, c'est tout pour Assemblage Reiki édition week-end. On se retrouve le lundi 8 janvier pour une toute nouvelle session hivernale d'Assemblage Reiki. Wow! D'ici là, surveillez nos nombreuses émissions spéciales pendant le congé des fêtes, entre autres du mardi au vendredi de 7h à 10h. On n'est pas le 25 puis le 1er. Non. Pour Tania Baudin et moi-même, Mathieu Plante, merci d'avoir été à l'écoute. Bon week-end! Et joyeuses fêtes!